Bonsoir. Je vais peut-être commencer par rappeler une évidence, c'est que si on est sur cette place, et si on y est toujours, c'est parce qu'il y a la hideuse loi El Khomri qui s'est installée dans le paysage. Alors la loi El Khomri ne vient pas de nulle part. Ce n'est que le prolongement des attaques anti-ouvrières de la part de Hollande depuis le début du quinquennat. Hein, parce que si Hollande, il a bien un ennemi, ce n'est pas la finance, c'est le code des droits qui s'y attache et c'est les travailleurs. Parce qu'il a beaucoup de méfaits au compteur, le garçon. Ça a commencé en 2013 avec la mal nommée loi de sécurisation de l'emploi, qui ferait qu'aujourd'hui, les résistances qu'on a pu connaître chez Fralibre et chez Pilpa, eh ben, elles seraient impossibles à mettre en œuvre. En 2014, on a eu la loi Macron, qui vise entre autres à généraliser le travail dominical et nocturne. Vous savez, celui qui consiste à faire travailler le soir jusqu'à minuit au Sephora des Champs-Élysées, des étudiants désargentés et des femmes précaires, tout ça pour le plus grand bénéfice de qui? Pour que ça rentre dans les poches de Bernard Arnault, le PDG de LVMH. En 2015, on a eu la loi du précédent ministre du Travail, la loi Rebsamen, qui annihile, entre guillemets, les pouvoirs des instances représentatives du personnel. Et donc en 2016, voilà la loi El Khomri. Alors la loi El Khomri, vite fait en résumé, c'est quoi? C'est travailler plus pour gagner moins. Ça veut dire que par exemple, ce qui va être généralisé, la règle, ça va être la journée de 10 heures. Et ça veut dire que quand vous êtes salarié du commerce, comme la plupart du temps vous habitez loin de votre lieu de travail, ça veut dire une heure de transport aller et une heure de transport retour. Ça veut dire qu'il vous reste 12 heures par jour, tout simplement pour vivre, pour vous dormir, pour vous occuper de vos gosses, pour vous cultiver si vous en avez le temps. Ça veut dire aussi que si vous êtes à temps partiel, ce qui concerne principalement les femmes, eh ben le délai de prévenance de vos horaires, il va passer de 7 jours à 3 jours. Ça veut dire que si vous avez un deuxième boulot, si vous faites des études à côté, eh ben vous n'aurez que 3 jours pour vous organiser. C'est aussi une loi qui va faciliter les licenciements économiques. Il suffira par exemple d'un trimestre de baisse de chiffre d'affaires dans les entreprises de moins de 10 salariés pour qu'on puisse vous licencier pour motif économique. Et c'est aussi une loi qui va restreindre le périmètre d'appréciation des difficultés économiques à la France. Ça veut dire que si vous êtes goodyear, si vous êtes continental et si vous allez aujourd'hui devant la justice... Radio Debout, tous les fous sont avec nous. Radio Debout, je mange, je boue. Radio Debout, je bouge. Radio Debout, radio... Et bonjour à tous, c'est Radio Debout, 20h10, presque à l'heure, hein. Radio Debout démarre toujours légèrement en côte pour vous laisser le temps de vous installer, c'est toujours plus sympa. Alors aujourd'hui, jeudi, nouvelle journée de Radio Debout, on est avec vous jusqu'à minuit sur cette antenne, ne quittez pas, restez avec nous. Journée qui a déjà été extrêmement chargée avant même que nous prenions l'antenne, journée de manifestation contre la loi travail, qui a réuni en France, alors 170 000 personnes selon les autorités, 500 000 selon les syndicats, on est toujours sur un chiffre un peu large, hein. C'est le grand jeu. Et surtout des affrontements qui ont eu lieu dans les manifestations. Il faut quand même les retenir, même si ce n'est pas le truc principal. 124 interpellations, un policier qu'on nous dit gravement blessé et un jeune homme qui serait blessé à la tête, qui pourrait perdre un œil après un tir, on ne sait pas, de lacrymo ou de flashball. Ça se passe à Rennes. On suivra ça, tout ça sur Radio Debout. Mais d'abord on va commencer à dérouler un peu cette soirée ensemble, cette soirée Place de la République, qui est de nouveau extrêmement pleine. Je vais d'abord saluer Alice. Bonjour. Bonsoir Martin. Oui, en effet, la place est pleine et ça fait chaud au cœur après cette petite semaine de désertion où effectivement il y avait moins de monde. Alors c'est vrai qu'il faisait très froid, hein. Peut-être que le militantisme se limite à la météo. Mais voilà, c'est vrai qu'on sent que les manifestations d'aujourd'hui ont fait revenir les gens et il y a du monde à l'AG. Voilà, le retour de l'AG Place de la République, ça a aussi ramené les gens. Alors on va passer tout de suite à notre premier invité. Bonjour Patrick. Bonjour Martin. Bonjour Alice. Bonjour, bienvenue. Alors tu fais partie d'une des commissions, la commission sur l'écologie, c'est ça? Pas c'est ça, commission écologie climat. Voilà, commission écologie et climat. Mais si t'es là ce soir au plateau, c'est pas forcément pour parler exactement des travaux de cette commission, même s'ils sont importants, on les aura, on espère bientôt. C'est pour parler d'une réunion qui nous a un peu interpellés, on va dire ça, hier à la rédaction, on va dire ça, à l'équipe de Radio Debout. C'est une réunion qui avait lieu donc au Centre International de Culture Populaire. Il y en a d'autres qui avaient eu lieu aussi à la Bourse du Travail avant. Une réunion d'un groupe qui s'appellerait les actifs, qui voudraient se faire appeler les actifs, de une sorte d'intercommission qui voudrait structurer un peu ce mouvement, trouver des solutions pour le faire peut-être avancer de manière plus précise, plus dirigée. D'abord, est-ce que tu peux nous préciser un peu ce que c'était cette réunion hier ? Écoute, moi d'abord, je parle qu'au nom de moi-même, hein, c'est-à-dire et de la, un peu de, en tant que militant de la commission écologie climat. Comme tout le monde à Radio Debout en même temps. Voilà, donc non mais c'est-à-dire que je suis venu, y compris ne sachant même pas que ça s'appelait les actifs. On D'accord. m'avait dit que c'était une sorte de réunion d'intercommission qui allait dans le prolongement de la réunion effectivement qui s'était produite à la Bourse du Travail la semaine d'avant. Et ces deux réunions ont un rôle très précis. C'est que depuis le début, depuis le 31 mars, il y a des problèmes de validation des décisions. Mais donc qui est-ce qui était là à cette réunion justement ? Eh bien c'était des gens qui étaient d'une manière ou d'une autre délégués par leur commission ou qui étaient volontaires de la part de leur commission, plus les gens de la commission démocratie qui étaient là en nombre parce qu'ils ont élaboré au sein de leur commission des propositions sur le fonctionnement démocratique de l'organisation de la place, d'organisation de Nuit Debout, et ils voulaient en discuter ensemble avec des gens qui sont effectivement actifs concrètement sur la place. Il y avait des gens extrêmement présents. Il y avait des extrêmement présents, il y avait des gens de la cantine, de la logistique, de toutes les commissions en fait, et aussi des gens qui sont très actifs sans nécessairement être dans une commission. Quoi, voilà. Et donc en fait le thème de la réunion c'était de discuter de la démocratie, si j'ai bien compris. De la démocratie, plus précisément du processus de validation des décisions sur la place. Parce que, pourquoi ? Il y a un problème avec ce processus ? Mais d'abord parce qu'il n'y en a pas. Parce que vous remarquez qu'on est incapable aujourd'hui de prendre de faire des votes sur la place. Il y en a eu des essais au début, etc. Mais en fait, on voit très bien qu'il n'y a aucune réalité. Oui, c'est très compliqué d'arriver à un consensus. C'est très très difficile. Et est-ce qu'il faut arriver à un consensus ? C'était un des débats qui existait. Et donc les gens de la commission démocratie ont fait une proposition, ils ont étudié pendant deux semaines, de 6 pages, qui était très très détaillée. Ouais, alors je l'ai sous les yeux là justement. Bah oui, on peut la résumer en quelques mots. Regarder, donc elle s'appelle Vers la mise en place d'un processus de vote expérimental à court terme. Et donc en fait elle est composée d'une série de différentes propositions, hein. Il y a 5 propositions qui ont ensuite été débattues en atelier. Donc voilà. Ces propositions sont par exemple... fonctionnement d'une assemblée durant le processus de vote, donc voir si, par exemple, donc différentes assemblées qui peuvent se subdiviser, discussions de voisinage et groupes de travail. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est comment on peut arriver à prendre une décision sur la place. Et donc, en réalité, il y a une proposition qui est faite. Un vote doit être mûri par les gens sur la place et pour qu'il soit... acceptable, il faut que d'abord il y ait une assemblée de propositions, c'est-à-dire que vous faites des propositions soit individuellement, soit en tant que commission, soit en tant que groupe, etc. Et vous la proposez à une assemblée de propositions qui va un peu sélectionner les propositions qui vont être discutées et votées sur la place une semaine après. Et donc pendant toute cette semaine, les gens vont réfléchir et il va y avoir au milieu en plus une assemblée des commissions qui va être un peu consultative et qui va aussi se prononcer sur ça. Mais est-ce qu'on rajoute pas un étage à la machine à gaz un peu ? Ça me semble très compliqué ce processus. Alors c'était un des enjeux. Il y avait des gens qui disaient ça hier et puis il y avait des gens qui disaient bah, finalement c'est pas mal d'avoir le temps de mûrir une vraie proposition. Alors un des problèmes d'ailleurs c'est qu'est-ce que c'est une proposition ? Parce que nous par exemple à Commission Écologie on a fait un manifeste. Est-ce qu'il faut faire, nous on l'a adopté en tant que commission, est-ce qu'il faut le faire voter par l'Assemblée Générale ? J'en sais rien, c'est un débat. Mais est-ce qu'il faut organiser par exemple, s'il y a des gens qui proposent, je dis n'importe quoi, le boycott de l'élection présidentielle ? Comment on organise un vote comme ça ? Si on va sur la place et dit « moi j'appelle à voter pour le boycott de l'élection présidentielle », peut-être que tu vas avoir toutes les mains qui vont se lever, puis le lendemain il y aura quelqu'un qui dira le contraire. Et voilà, donc il fallait trouver quelque chose qui nous permette d'avoir... une décision un peu mature, quoi. Voilà. Mais justement, j'ai une question, parce que tu as dit que ces propositions seraient soumises à une assemblée des propositions. Mais en fait, oui. J'ai l'impression qu'on rajoute un intermédiaire, en fait, et que finalement, on n'est plus dans un... Ce qui était intéressant au départ de Nuit Debout, c'est qu'on était dans une tentative, de démocratie directe. Là, si on rajoute cette assemblée des propositions, qui est-ce qu'il va y avoir dedans ? Finalement, Nuit Debout... Il y aura tous ceux qui voudront. Nuit Debout s'est beaucoup positionnée en disant qu'elle ne voulait pas de leadership, mais au final... Il y aura tous ceux qui voudront. Il y aura tous ceux qui verront, c'est-à-dire que ça n'impacte pas du tout le fait qu'il y ait un chef ou deux ou je sais pas quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. Justement, c'est simplement dire qu'on va faire le truc au lieu en un temps. C'est-à-dire, toi, tu t'amènes avec ta proposition, tu la fais voter. On essaye de faire que ces propositions soient réfléchies par tout le monde sur la place pendant une semaine, quoi, toi. C'est-à-dire qu'elles sont proposées et elles circulent et ensuite elles sont votées. Est-ce que vous faites le choix d'aller à la Bourse du Travail, au Centre international? Non, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous sortez un peu de la place. Alors, elle est où la place de la place? Moi, je suis en aucun cas décisionnaire sur comment on a fait ce choix, etc. Bien sûr, mais tu sembles plutôt d'accord avec cette idée. Sur un plan personnel. Oui et non. Non, parce que ce qui s'est passé en réalité, c'est que c'est vrai que c'est mieux de le faire sur la place. Mais il y a eu des conditions de froid, tout ça, qui étaient un peu compliquées. Mais, on témoigne. Mais l'autre raison, c'est aussi qu'à un moment donné, c'est des propositions, comme tu l'as dit, il y a 6 pages, elles étaient très très compliquées. C'était effectivement plus facile de les discuter dans un lieu clos que en direct ensemble, quoi. Mais bon, voilà, après... après la démocratie directe, même la démocratie directe a des limites, tu vois, c'est pas ça se discute. Alors Patrick, peut-être pour finir avant qu'on retourne à l'AG, ouais. Qu'est-ce qui est sorti de cette réunion? Toi, tu l'as ressenti comment et qu'est-ce qu'on doit en attendre? Il y a quand même une décision très importante. Il y a deux décisions à mon avis très importantes à retenir. D'abord, je pense que il y aura une expérimentation de cette proposition qui a été adoptée hier. Entre le 4 et le 8 mai. C'est-à-dire que le 4 mai, il y aura peut-être une assemblée de propositions, si ça va jusqu'au bout. Hein. Et le 8 mai, il y aura certainement un essai de vote. Alors, et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que c'est ce vote? C'est de dire, voilà, il faut qu'il y ait au moins 80% de gens qui votent pour une proposition. C'est déjà le cas actuellement hein, sur la place. C'est d'ailleurs pour ça que ça se fait jamais, parce qu'on trouve jamais 80% de personnes. Je suis assez d'accord. Et moi, c'était pas exactement ma position, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Ce qui a été adopté, c'est ça. Et je pense que tu as tout à fait raison de soulever le problème de voilà. Et puis, par contre, on a dit qu'il faudrait, et ça n'a pas été adopté totalement, parce qu'au niveau du chiffre, mais il faudrait qu'il y ait un principe de quorum. C'est-à-dire que, parce que est-ce que s'il y a 50 personnes ou s'il y en a 800, la validation du vote n'est pas le même. Mais ça, on n'a pas adopté le chiffre. La prochaine réunion, c'est quand, on sait déjà ? Lundi. Lundi, donc lundi, c'est lundi prochain. Lundi, la commission démocratie va continuer à travailler sur la base des ateliers qui ont proposé des amendements à leur texte. Et d'autre part, on va commencer à la discussion sur quelque chose aussi qui est très important et qui là aussi, de toute façon, tout devra être adopté en AG. Hein, de toute façon, Bien sûr. Tout va à l'AG ensuite. Tout va à l'AG ensuite, hein, c'est évident. C'est la question des valeurs. Et là, on rentre dans un domaine très compliqué. Il ne faudra pas hésiter à revenir pour parler des valeurs. Je pense qu'on pourra en refaire une longue discussion lundi 2 mai et ensuite, donc, expérimentation peut-être à partir du 4 mai. Voilà. Alice. Juste une question. Est-ce que la réunion du lundi 2 mai est ouverte à tous? Écoute, pour moi, oui, mais après c'est pas moi qui l'organise. Quoi. Voilà, c'est très compliqué pour moi de le dire. Bien sûr, on va à l'AG. Je pense que le principe, c'est que tout le monde peut venir dans ces réunions. Hein. D'accord, direction l'AG, et on continue avec Patrick qui a discuté de tout ça dans quelques instants. Radio Debout, la radio qui débraye et qui braille. Bonsoir à tous, je m'appelle François, je fais partie d'Air France. Je fais partie d'un syndicat dont je suis membre du bureau et je fais partie d'un CHSCT à Air France au sein du collège des pilotes, puisque je suis pilote. Et je voulais simplement vous dire que au sein de ces CHSCT qui sont remis en cause par le projet de loi travail, voilà le symbole de ce que peut être une instance représentative du personnel mise en danger par un tel projet de loi. Ce que ça signifie quoi? C'est que Se faire entendre, comme le camarade vient d'en faire le témoignage, c'est la difficulté du rôle des syndicats. Devant des instances, devant des directions qui imposent le cahier des charges, les lignes de présentation des réformes au sein des entreprises, la difficulté, c'est de tenir tête, de pouvoir faire face, faire front. Et comme l'a très bien dit le copain tout à l'heure, on a tous besoin, les syndicats, que ce soit l'Union syndicale solidaire à laquelle Alter, dont je fais partie, est affilié, que ce soit la CGT, que ce soit FO, par exemple, on a besoin du soutien de salariés, on a besoin de sentir les gens derrière nous, parce qu'aujourd'hui, le syndicalisme a été totalement ringardisé. Et dans l'image du grand public, on n'ose plus intervenir, on n'ose plus venir. Il y a beaucoup de peur, parce que l'image fait très mal. Les organisateurs, tout à l'heure, en introduction de cette Assemblée générale, ont proposé que nous soyons un pouvoir de nuisance. C'est négatif comme terme. On est un pouvoir de proposition d'une autre voie qu'il va falloir aller chercher, prendre et arracher indépendamment. On ne négocie plus. Et là, on a besoin de la force, on a besoin d'être liés, soudés. Et les termes majeurs, ça va être partage, partage des richesses, partage du temps de travail et solidarité intercatégorielle, solidarité entre les âges, retraités, actifs. Je suis foncièrement attaché au principe de retraite par répartition et non pas par capitalisation. C'est quelque chose qu'il faut garder. Il faut recréer du lien social, du tissu, de la solidarité, du partage. C'est par ça que l'on parviendra à nos succès. N'oubliez pas, je pense que, comme tu l'as très bien souligné, la loi Combry amène la notion de référendum dans l'entreprise. C'est totalement galvaudé, ça n'est pas de la démocratie. C'est au contraire utiliser le lien de subordination aux fins du patron par intimidation. À Air France, vous avez tous été au courant des manifestations du 5 octobre dernier. Ça a déclenché des procédures disciplinaires très dures avec 5 licenciements alors que des procédures juridiques sont en cours contre des salariés, 18 en tout. Beaucoup de violence, y compris de représentants du gouvernement, M. Valls, qui ose dire que c'est un homme d'action et qui n'est pas dans le commentaire, et qui, après 30 secondes d'analyse brillante, a dit « les syndicalistes sont des voyous », c'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Vous êtes tous dans vos secteurs victimes de ça, il y avait les infirmières tout à l'heure, les profs, les fonctionnaires. Tout le monde sait que les réformes en cours, qu'elles soient la réforme du collège ou hospitalière ou territoriale, ça touche uniquement les petites mains. Comptez combien... avec les étudiants, avec tous les autres secteurs du monde du travail. Donc voilà, maintenant il va falloir que les fédérations syndicales cheminotes, elles choisissent, soit elles continuent de jouer le jeu de la négociation, parce que depuis des semaines, elles se réunissent avec le patronat du ferroviaire, avec les représentants de l'État, et entre parenthèses, il n'y a eu aucune avancée, il n'y a pas une ligne du décret socle qui a bougé, ou alors elles sont dans le camp des cheminots, qui ont envie de se battre et qui sont prêts à partir en grève reconductible. Radio Debout. Et voilà, de retour sur Radio Debout. J'espère qu'on vous a un peu manqué durant cette interruption de quelques minutes. On me fait signe là-bas. Est-ce que nos auditeurs peuvent nous dire si ça fonctionne? Alors, nos auditeurs peuvent nous dire sur le chat si tout fonctionne parfaitement. On a rebooté tout ça, on est reparti de plus belle. Du coup, on compte sur vous pour nous dire s'il y a un problème. Vous êtes nos premières contrôle qualité. Et n'hésitez pas à le faire. Alors, on était sur l'AG quand ça a planté. Oui. Et avant ça, on était avec toi, Patrick. Ouais. Bonsoir. Salut. Alors, Martin. Patrick de la commission écologie. Tu étais donc à cette réunion, je vais refaire un peu le pitch, une réunion hier, de gens qui voulaient un peu penser des structures pour pouvoir voter en AG, pouvoir enfin prendre des décisions en AG. Je vais faire ça simple. Voilà. Alice, tu y étais aussi. Oui, absolument. Et toi, il y a des choses qui t'ont un peu interpellé. Moi, il y a des choses qui m'ont un peu interpellé, notamment une prise de parole. Alors, c'était une prise de parole, c'était pas une décision, mais de quelqu'un qui a dit... Je le cite, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait contrôler, j'utilise le mot contrôler faute de mieux, les votes pour que ce soit efficace. Alors moi ça m'interpelle parce que le discours de cette personne c'était de dire voilà, sur la place de la République il y a beaucoup de monde qui passe tout le temps et donc du coup ça fait que c'est des gens, il y a des gens qui vont voter pour prendre des décisions qui seront ensuite actées dans les commissions, qui sont des gens qui ne s'impliquent pas quotidiennement, ouais, toutes les 24 heures. Mais est-ce que c'est pas contre Nuit Debout ça, de se dire que justement on veut filtrer les votes? Mais non, puisque l'enjeu, c'est que justement tout le monde puisse voter à un moment donné T. Il y avait d'ailleurs même des propositions qui disaient qu'un vote pourrait se prolonger 2 ou 3 jours. Je ne pense pas que ça sera retenu, mais c'était discuté. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné... je donne un exemple, parce qu'il y a aussi des choses en ce moment qui se passent contre Nuit Debout. Il y a un petit groupe qui s'est institulé à un moment donné, Commission Programme, et qui a fait voter à un moment donné, ce qui était totalement illégal. On embauche immédiatement 6 millions de chômeurs, on travaille 25 heures par semaine, etc., etc. Ce groupe s'est autoproclamé. Et donc, il n'y a aucun moyen aujourd'hui de faire qu'une décision soit légitimée par la place. Et donc l'objectif, c'était qu'on puisse à un moment donné au moins se mettre d'accord sur un processus qui aboutit à un vote et qui a abouti à une prise de décision sur une proposition. Pour le moment, c'est impossible. Donc c'est un mouvement qui cherche les moyens de l'organisation d'une démocratie directe, justement. Oui, mais parce que justement, ça fait un mois qu'on est là, ça fait un mois qu'on parle. Les gens de la commission démocratie, on peut dire ce qu'on veut d'eux, mais ils ont travaillé et ils ont fait, d'ailleurs comme nous, hein, la commission écologie climat, nous on a travaillé pendant une semaine, on est arrivé à 10 jours, on est arrivé à faire un manifeste de 8 pages sur l'écologie. C'est un truc assez important qui circule beaucoup en ce moment sur les réseaux. Mais eux, ils ont travaillé sur la question du fonctionnement. Et je trouve qu'ils avaient une légitimité de le faire en tant que commission démocratie. Ils le proposent. C'est discuté par les gens de toutes les commissions et d'autres gens. Et après, c'est, de toute façon, ça ne peut être que proposé et voté à un moment donné dans une expérimentation à l'Assemblée générale. Il ne s'agit pas de court-circuiter, il s'agit de lui donner des moyens pour qu'elle s'empare de cette question du fonctionnement démocratique elle-même. Soit on refuse tout le fonctionnement, et c'est une possibilité, hein, et c'est que de la parole, du flux de parole à 2 minutes chacun, et il ne se passe rien après. Soit on pense qu'à un moment donné, il faut transformer ça en une force qui peut prendre conscience d'elle-même à travers sa qualité démocratique. J'allais te poser une question là-dessus. J'ai l'impression que depuis une semaine, 10 jours, il y a un mouvement interne comme ça dans le flux de Nuit Debout, de gens qui se disent ça peut pas rester juste une discussion, quelque chose comme ça, ça doit devenir quelque chose de concret. Alors c'est marrant, c'est ce qu'on reprochait au début à Nuit Debout, au début les journalistes, etc. Ils disaient qu'est-ce que vous avez de concret, et on sent que là il y a une frange qui commence à se dire mais il faut qu'on sorte des choses concrètes, il faut qu'on arrive à faire des choses qui vont exister. Mais je pense que de la soirée. Je suis d'accord, mais je pense que ça a toujours été l'objectif de Nuit Debout, tout simplement parce que au départ l'objectif c'est la convergence des luttes, mais la convergence des luttes à un moment donné elle s'organise aussi, hein, c'est pas simplement un flot de paroles. En ce moment, ce qui s'organise sur la place de la République, c'est un débat entre différents collectifs de lutte, des équipes syndicales, des dirigeants syndicaux. Actuellement des gens derrière nous là. En ce moment, il y a même le secrétaire général de la CGT qui vient, Marc-Philippe Martinez, etc. Donc c'est un événement, mais cet événement, il s'est pas construit comme ça, comme une génération spontanée. Il y a eu plein de réunions de la du pôle Lutte Debout, maintenant qui réunit la commission Convergence, la commission Action et la commission Grève Générale, qui se sont réunies, qui ont fait une proposition, qui ont été les discuter avec les syndicats, avec les mouvements et avec les collectifs, et donc ça a été très très important comme processus de discussion pour arriver à ce soir. Et pareil pour le 1er mai avec le concert, etc. C'est du travail ça, et il y a un moment donné où il y a besoin de formes de régulation démocratique, c'est tout. Moi j'ai une question, comment est-ce qu'il s'articule le lien entre les milliers de personnes qui passent sur cette place depuis le début du mouvement et ces gens qui réfléchissent et qui travaillent? D'abord, quelque part c'est un peu les mêmes. Pourquoi c'est un peu les mêmes? Parce que les gens qui d'ailleurs ne sont pas à ces réunions intercommissions comme les gens de la cantine, ils veulent y participer aussi, hein, les gens de la logistique, etc., etc. Et donc c'était un des enjeux hier, de comment faire participer des gens qui sont toujours en train de travailler au service du mouvement, mais qui ne peuvent pas s'impliquer dans les assemblées générales. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui parlent, mais qui ne font pas grand-chose. Donc il faut arriver à trouver un moyen qui fasse que ceux qui veulent parler continuent à pouvoir parler, et ceux qui veulent s'impliquer réellement puissent aussi avoir un poids dans les décisions qui ne sont pas prises en ce moment, mais qui pourraient être prises demain. Ce n'est pas l'expression un peu d'un ras-le-bol de ceux qui sont là tous les jours, de voir ces choses pas avancer, et se dire nous, on est là tous les jours, on donne du temps sur notre travail, oui, on donne du aussi, temps sur notre sommeil. Oui, tu as raison, c'est aussi un ras-le-bol, mais c'est normal. Ça fait, tu sais, c'est quand même, moi j'y suis moins que d'autres et tout ça, mais enfin, quand tu restes, notre commission elle ouvre à 4 heures, elle a une réunion jusqu'à 18 heures, après on rouvre le truc à 19 heures pour un deuxième débat, etc. À côté il y a les AG, il y a les intercommissions, les gens commencent, tout ça dans le c'est froid physique, quand même. C'est extrêmement physique. C'est physique, tu vois, moi bon, j'ai 62 balais, dimanche je me suis fait foutre une journée de repos quoi, complète, parce que j'en avais marre, quoi, tu vois. Bon, voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont même pas la faculté d'aller aux AG parce qu'ils travaillent dans la commission cantine, infirmerie, sérénité, etc. Donc il faut qu'il puisse y avoir une sorte de fluidité démocratique entre les gens qui viennent pour prendre la parole, et c'est légitime, il y a une libération de la parole sur cette place et c'est très important, les gens qui veulent s'impliquer dans l'action, puis les gens qui veulent aussi se projeter dehors. Cet après-midi, il y avait beaucoup de gens de Nuit Debout dans la manif, et voilà, on s'est fait gazer comme tout le monde, quoi. Et justement, à propos de se projeter, on a eu des informations comme quoi aussi dans les choses à débat, soit dans la réunion d'hier, soit dans la réunion de lundi prochain, il y avait notamment la question des valeurs, ouais. Et que se posait même la question de savoir si Nuit Debout était un mouvement anticapitaliste, et voire même si Nuit Debout était un mouvement de gauche. Alors, je vais te dire comment ça a été fait, ça. À la réunion précédente, à la Bourse du Travail, on nous a demandé de préciser les objectifs et les valeurs avec des post-it. Et donc chacun a mis son post-it, etc. C'est comme ça que ça s'est fait. Bon. Et à partir de ce travail sur ces post-it, et à travers le travail sur les ateliers, etc., il y en est venu une sorte de ce qu'ils ont appelé une carte mentale. Je n'ai pas bien compris ce que c'était. Enfin, c'est des méthodes de marketing. Oui, c'est ça. Il y avait un PowerPoint aussi. Oui, il y avait un PowerPoint. Bah, voilà. C'est de la belle com. Hein. C'est des pros. Non, mais vous avez raison de poser ces questions. Même moi, je me les suis posées vraiment. Hein. Bon, et je trouvais que des fois, c'était limite. Mais bon, voilà. Ça a facilité la compréhension de ces questions. Alors par ailleurs, il faut se demander, et on l'a vu à la lumière de l'affaire Finkielkraut, c'est quoi l'identité de ce mouvement? Est-ce que Marine Le Pen peut venir parler sans problème, 2 minutes, et puis après il y a, je sais pas, Philippot ou Sarko qui viennent, et puis voilà, et tout le monde peut parler. Moi je ne pense pas, c'est pas mon point de vue en tout cas. Et donc c'est légitime qu'on puisse se demander quelle est notre identité. Après ça sera à la place de le décider. Voilà, il y aura des propositions. Si les gens disent bah, nous on veut être de droite, je dis n'importe quoi, on veut être raciste, bah, ils décideront. Moi je serai plus sur cette place, c'est tout. Et donc la question des valeurs, elle se pose. Pourquoi? Parce que d'ailleurs ce mouvement n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la lutte contre la loi El Khomri, s'il n'y avait pas eu la réunion du 23 février avec Fakir, etc., la question de la convergence des luttes et tout ça. Et ça c'est sur la base de valeurs, les gens qui ont été là-dessus. Moi je suis venu, hein, je suis un écolo, je suis un écolo radical depuis assez longtemps, je milite depuis mai 68, quand j'étais jeune lycéen, j'ai toujours eu les mêmes valeurs, je suis toujours féministe, écologiste, anticapitaliste, machin, etc., mais je ne veux pas les imposer à toi, Alice, ou à toi Martin, je veux en discuter. Après, est-ce qu'il faudra qu'on prenne une décision formelle sur chacun de ces termes? J'en sais rien, mais en tout cas il faut au moins lancer le débat, parce que ça moi j'en ai marre de voir que c'est Libé, Le Monde ou Le Figaro qui décident ce qu'on est, hein, c'est l'heure de nous-mêmes. Césaire, il disait, le poète antillais, quand il a démissionné du Parti communiste français en 1956, donc il y a exactement 60 ans, il disait « L'heure de nous-mêmes a sonné ». Parce que nous, on ne veut plus être dépendants du Parti communiste, machin, etc. L'heure de nous-mêmes a sonné, alors c'était les décolonisés à l'époque. Et bien aujourd'hui, il faut être les décolonisés de l'imaginaire, les décolonisés de l'esprit, et il faut nous prendre en main. Il faut savoir ce qu'on est, c'est tout. Alors une petite info, les CRS sont sur la terrasse de l'Odéon, donc on va essayer d'avoir un contact de quelqu'un de l'Odéon pour savoir un peu ce qui se passe, mais voilà l'information qu'on a eue. Là on va retourner un petit peu écouter l'Assemblée Générale, parce que finalement c'est dans l'Assemblée Générale que se définit, qu'on entend finalement les valeurs de ce mouvement, c'est bien à l'Assemblée Générale, place de la République, là où le mouvement a bien lieu. Merci Patrick. Ah, l'Assemblée... Allô? Là, le... Il n'y a pas de son. On n'entend pas la GE. Alors, on n'entend pas la... On n'entend pas la GE. Ça va venir, mais d'ailleurs, de... moi, je n'entends pas la GE. La ministre de la Culture a été d'envoyer la maréchaussée pour virer les évacués. Virer les occupants. Voilà. Peut-être quelque chose à ajouter sur ces occupations et qui sont... il ne faut pas croire que tous les intermittents sont main dans la main. Ce qui s'est passé à l'Odéon, on est allé occuper l'Odéon pour avoir un lieu où se réunir, où réfléchir, où travailler, où pouvoir continuer la lutte. La réponse de la direction, ça a été silence total. Rien, rien, absolument rien, sauf vous avez le droit d'aller pisser accompagné par un vigile, vous avez le droit d'aller prendre une douche avec un vigile dans la même pièce que vous. Voilà, ça a été les seuls trucs qu'on a obtenus. Et malheureusement, l'équipe de l'Odéon n'a pas su faire quoi que ce soit pour pouvoir au moins rejoindre les occupants, au moins faire ouvrir le théâtre. La mobilisation est très très importante. Pour compléter ce que dit Fred sur ce qui s'est passé à l'Odéon, à la Comédie Française, on est tombé aussi sur une situation affreuse, avec des salariés qui avaient peur de prendre la parole en AG, des intermittents qui ne voulaient pas parler, des gens qui sont dans des conditions de travail exécrables. On a juste réussi à bloquer deux fois le spectacle, et ce soir, le directeur de la Comédie Française annonce qu'il annule son spectacle en soutien aux intermittents, alors qu'il y a des gens en souffrance dans son théâtre. Il faut pas, voilà, c'est juste des choses qu'il faut, il faut bien décrypter. Ce n'est pas en soutien aux intermittents. C'est une espèce de greenwashing. On passe la parole à Elisa et Bruno. Alors, je fais juste un rappel. Il faut que les gens s'assoient autour. Après, il y a un besoin de soutien à l'Odéon. Donc moi, je vous encourage tous à aller à l'Odéon soutenir. C'est très important. Ouais. Après, il y a Bruno et Elisa, d'un collectif de chômeurs et précaires, les Cafards de Montreuil. Voilà. Okay. Bonjour. Donc moi, je participe à un collectif d'autodéfense sociale de gens qui dépendent de Pôle emploi ou de la CAF pour leurs revenus et qui ont besoin de se défendre collectivement, exactement comme les salariés ont besoin de se défendre collectivement face à un patron. Et donc voilà, on est des chômeurs, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Ça, c'est clair. À Paris, c'est impossible de vivre avec les RSA. On alterne du chômage et des périodes d'activité. Donc la précarité, on connaît bien. La loi El Khomri, on connaît bien. Par exemple... Beaucoup de gens ici sont des précaires qui se battent contre la loi El Khomri qui veut généraliser à tous les salariés les conditions que plein de précaires connaissent déjà aujourd'hui quotidiennement. Par exemple, la semaine dernière, on a bloqué les McDo, les Subway et on a rencontré des salariés de Subway. Eux, les heures sup non payées qui sont obligés d'accepter exactement ce que la loi El Khomri veut imposer, ça, ils connaissent très, très bien. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Je te le passe, ouais. Non, et puis oui, voilà. Juste un dernier mot, voilà. Il faut qu'on continue à se battre contre cette loi travailliste que veut imposer le PS, pas que contre ça. Mais par contre, il faut quand même juste faire attention des fois à nos revendications. Des fois, j'ai pu lire ici, il faut embaucher tous les chômeurs. Enfin, juste un moment, moi, j'aimerais bien qu'on me demande mon avis. Aujourd'hui, le chômage, c'est juste une des rares manières, ou la CAF, le RSA, une des rares manières de pouvoir refuser les boulots de merde. Et ça, c'est très important. Il faut arrêter de défendre le plein emploi avec des emplois n'importe quoi. Voilà. Et du coup, on parle peut-être pas très bien. On est un petit peu fatigué parce que ce matin, on était avec les gens de l'Interpro 93 qui vont sûrement prendre la parole tout à l'heure pour aller bloquer le port de Gennevilliers. Et du coup, c'est aussi pour parler d'histoire de comment faire la grève quand on est chômeur, quand on est précaire, quand tous les gens, en fait, les plus précarisés, comme l'a dit Bruno, qui connaissent déjà en fait ce qui se passe dans la loi El Khomri, même si la loi El Khomri, c'est un changement de paradigme, un changement de monde, quoi, où ils veulent tous nous précariser de la même manière de ce qui existe existe déjà. Il faut trouver des façons de faire. Et que tous ces gens-là, en fait, ils ont très peur de faire grève. Ils ne peuvent pas. Ils sont isolés. Après, des endroits comme ici, ça permet aussi aux gens, après le taf, de venir rencontrer d'autres, de se sentir moins seuls. Et que c'est hyper important. Et qu'il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on rencontre aussi d'autres personnes et de s'organiser par rapport à ça. Et qu'en effet, il n'y a pas les travailleurs d'un côté, les chômeurs de l'autre. C'est les deux faces d'une même pièce. La preuve, une des preuves, c'est que, par exemple, Gattaz, le président du MEDEF, quand il voulait que le gouvernement revienne sur les changements qui ont eu lieu dans la loi, il a menacé de se retirer des négociations de l'assurance chômage. Les deux choses vont ensemble. Et du coup, il faut. Et en même temps, ce serait très bien qu'il se tire. On n'en a rien à foutre qu'il se barre aussi, par ailleurs. Et il faut qu'on trouve ensemble les façons d'inventer des choses. Radio debout. Radio debout. C'est la radio debout. Hey, c'est la radio debout, 20h46 sur Radio Debout. On continue, on est avec vous jusqu'à minuit. Alors on va continuer à dérouler un peu notre soirée. Et cette fois c'est Clémence qui nous a rejoint. Bonsoir Clémence, Clémence Dubois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, chargée de campagne à 350.org, une ONG qui lutte pour le climat, on peut dire ça, pour dire ça très simple, qui est très très active sur cette question-là. Alors si on a voulu t'avoir au plateau ce soir, on a la chance de t'avoir sur notre plateau ce soir, c'est qu'avec toi on voulait faire un retour sur un événement finalement qui nous sort un peu de la place, mais des fois c'est pas plus mal, direction Pau, donc dans le Béarn, magnifique coin de la France. Et il y avait eu une mobilisation contre une sorte de conférence qui s'appelle le MCEDD, une conférence de pétroliers offshore, de groupes pétroliers. Et toi, tu étais présente sur place pour 350.org. D'abord, peut-être qu'on peut, à travers toi, revivre un peu ça. Comment, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? On peut redire un petit peu, c'était quoi cette mobilisation? Alors, cette mobilisation, elle est née à l'initiative du groupe qui s'appelle ANV COP21 et qui a été rejoint par un certain nombre d'ONG, dont 350.org et de voilà. groupes locaux. Action non violente COP21. Pour exactement. Et en fait, ils ont découvert que Total allait préparer un peu dans le secret ce sommet sur le pétrole offshore, donc à quelques mois de l'accord de Paris, et dont le sous-titre en fait de cette conférence traduisait bien que l'industrie fossile n'avait aucunement envie de suivre les principes de l'accord de Paris, mais voulait continuer à développer leur plan climaticide et aller continuer à forer toujours plus loin, toujours plus profond, et en particulier donc dans les hautes mers. Alors c'était le 5 avril, j'ai pas dit à date, c'est le 5 avril dernier à Pau. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez agi pour perturber ce sorte de petit sommet? Alors déjà, il y a eu un camp climat qui a été organisé deux jours avant, où les militants ont convergé de toute la France pour se former à l'action directe, à l'action non violente, ces deux jours de camp ont permis aux gens de s'organiser pour voir comment ils aimeraient opérer et quelles sont les stratégies d'action, parce que bien que ce soit non violent, c'est déterminé, donc pour bloquer et pour perturber un sommet de ce type, il faut être nombreux, il faut être aussi organisé, et donc c'est des lieux de rencontre. D'accord, et au final, donc c'était 200 opposants qui ont été à peu près recensés sur place. Beaucoup plus. Par les articles, en tout cas, c'était plus. Oui, oui, on était à peu près. Alors, il y a eu 300 personnes dans le camp et environ 400 personnes qui ont participé aux actions. Pour engueuler les gens de reporters, ils ont écrit 200 dans leur article. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'était pourquoi ils se retrouvaient? Qu'est-ce que vous reprochez aux pétroliers qui prouvent que leur investissement dans la COP21, où ils ont plutôt dit, nous, on est pour, en tout cas, ils ont plutôt montré ce côté-là, est bafoué dès au bout de 3 mois? Mais bien sûr, pendant la COP21, l'industrie fossile qui est sous les feux des projecteurs ont tout intérêt à dire qu'ils veulent effectivement une sortie de crise climatique, bien entendu. Mais depuis qu'on a connaissance de la crise climatique et environnementale, ils n'ont jamais transformé leur modèle de business, et ils ont toujours eu l'intention d'extraire autant qu'ils pouvaient, puisque de toute façon leur valeur boursière est assise sur leurs ressources qu'ils ont donc tout intérêt à exploiter. Donc quand ils organisent le sommet international du pétrole offshore, donc en allant forer encore plus loin, encore plus profond, c'est assez évident qu'ils veulent qu'ils font un pied de nez à cet accord international sur le climat. D'accord, on va s'arrêter un tout petit instant, je crois qu'on a un petit retour sur Odéon, c'est ça? On me fait des signes. Ce n'était pas le bon signe, on continue, c'est pas grave. Désolé Clémence, tu avais une question, Alex. Comment est-ce que ça s'est passé à Pau? Comment est-ce que les gens ont réagi? Quelles ont été les actions? Alors, concrètement, après ces deux jours de camp, pendant trois jours, il y a eu des actions de blocage et de perturbation. Donc ça s'est traduit concrètement par des gens qui avançaient groupés et qui franchissaient des barrières de police et de CRS qui n'ont pas été des plus sympathiques pour aller accéder justement au Palais Beaumont, là où s'organisait la conférence, et qui était encerclé par des grillages assez hauts et donc qui était mis en place pour éviter qu'on s'approche. D'accord, petit retour. Oui, toujours à propos de l'Odéon, une information du CIP Île-de-France, évacuation policière des occupants du théâtre de l'Odéon en cours, appel à soutien massif sur place, donc l'évacuation est en cours au théâtre de l'Odéon, donc bien entendu, et apparemment les CRS sont rentrés dans le théâtre. Bon voilà, en tout cas il y a un appel à aller au théâtre de l'Odéon dès maintenant. On retourne à Pau, justement à Pau, comment ça s'est passé avec la police? Est-ce qu'il y avait des violences policières, des confrontations avec la police? Quelle était l'ambiance de ce côté-là? De toute façon, dans les actions qu'on mène, dans le consensus d'action, c'est de mener des actions non violentes mais déterminées. Donc le fait est, c'est que même s'il y a des réactions brutales de la part de la police, il n'y en aura pas de la part des opposants. Donc pendant ces trois jours de désobéissance climatique, on a entendu les militants chanter « La police doucement, nous sommes là pour nos enfants ». Sans armes, ni haine, ni violence, mais effectivement la police était là pour protéger le sommet et pas pour nous protéger, nous, du dérèglement climatique. Donc dès que les militants avançaient, il y a eu oui, effectivement, du gaz au poivre qui a été répandu abondamment à 30 cm des yeux des militants, donc non, ça n'a pas été particulièrement sympathique de ce côté-là. D'accord, et toi, pour toi, ces actions-là, elles ont quel effet, à quoi elles servent? Elles bloquent, mais finalement ça se fait quand même, ce genre de sommet. Alors, il y a plusieurs intérêts là-dedans. C'est que, déjà, le sommet s'était organisé dans l'opacité la plus totale. À chaque fois, là, il y a eu une autre action, la semaine dernière à Paris, devant le sommet international pour le pétrole, où 300 personnes se sont rassemblées devant. C'est que ces rassemblements, on n'en entend jamais parler, ni dans les médias. Là, vous le mettez en lumière, c'est ça l'idée. Et donc, en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle la stratégie Dracula, dans le sens où dès qu'on les expose à la lumière, voilà, ils sont obligés d'être tenu beaucoup d'ambiance autour de nous. Oui, grève générale. Grève générale, etc. Clémence, on va aller très rapidement à l'AG, ensuite on va partir à Lyon et on te retrouve après. Merci beaucoup à toi. Ce qui nous remercie. Mais allez, en fait, c'était le petit grève général. Nous, on l'a entendu beaucoup plus fort, mais c'est pas grave, vous avez eu quand même la fin. On va faire un petit détour par Lyon. Le théâtre des Célestins, notamment, est occupé, où la manifestation de cet après-midi a pu être un peu tendue avec les policiers. On est avec Arnaud et avec toi, Alice. Oui, donc, allô Arnaud, est-ce que tu nous entends? Très bien, très très bien. Alors voilà, toi tu es à Lyon, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment s'est passée la manifestation de cet après-midi? Apparemment, ça a été un petit peu tendu avec les forces de l'ordre? Ouais, un petit peu, c'est même très tendu en fait avec les forces de l'ordre, il y a eu énormément de violence. En fait, ce qui s'est passé, c'est, pour résumer, c'est que les manifestants ont refusé de se laisser escorter par les forces de l'ordre, notamment sur les trottoirs, et donc il y a eu régulièrement des affrontements extrêmement violents pour le contrôle de ces trottoirs et pour avoir une ligne continue sur toute la longueur. Donc ça s'est traduit par plusieurs blessés graves, avec au moins deux fractures ouvertes jusqu'à l'os, et puis un nombre à calculer de bleus, de problèmes aux yeux, des personnes qui avaient les poumons brûlés aussi. Ah oui, d'accord. Donc oui, effectivement, quand même, ça a été plus qu'un petit peu tendu. Et on nous dit également que le théâtre des Célestins est occupé. Alors oui, après ça, c'est en fait, en parallèle, il était monté en fait une action, notamment par des intermittents et qui ont été rejoints par Nuit Debout et une bonne partie des manifestants, qui a été pour continuer le mouvement national en fait sur les questions intermittentes et sur la question de la travail en général. Donc le théâtre des Célestins était occupé par, au début, on est monté jusqu'à 80, 100 personnes à l'intérieur dans le théâtre. Et là, il y a une cinquantaine de personnes qui continuent avec une occupation qui est partie et les gens devraient dormir sur place. Donc a priori, pour le moment, ils ne sont pas délogés, ils sont bien à l'intérieur. Non, au contraire, ça se passe, contrairement à ce qu'on a pu voir ailleurs, ça se passe très bien. En fait, il y a eu une discussion avec le directeur local, avec la direction, qui pour l'instant a laissé la mise en place d'une AG et qui pour l'instant n'a pas envie d'appeler les flics tant qu'il n'y a pas de débordement et de dégradation. D'accord. Bah écoute, merci Arnaud. Hein, on va retourner sur le plateau et on te rappellera une prochaine fois. Merci. C'est parfait, salut. Voilà, merci Arnaud, et on suivra donc la situation à Lyon. De toute façon, on la suit partout hein, sur Radio Debout, toutes ces nuits debout, ces occupations qu'on suit au jour le jour. On est toujours avec Clémence Dubois, 350.org. On a été un peu interrompu par l'actu priorité au direct, vous l'avez dit vous-même, c'est notre côté BFM qui remonte discrètement comme ça, caché au fond de nous. Voilà, on se soigne, ne vous inquiétez pas, on se soigne. Alors Alice, tu avais une question sur les moyens peut-être. Oui, mais justement, voilà, je voulais savoir dans quelle mesure est-ce qu'il y avait eu des interactions entre les manifestants et les personnes qui étaient à ce sommet, autres que des gazages au poivre par les CRS. Oui, alors le premier jour, il y a des militants qui ont réussi à franchir les différentes barrières et à se faire passer pour des faux congressistes et à rentrer dans la salle et qui se sont menottés aux tables de conférence et qui ont pu parler pendant 10 minutes pour exposer nos motivations et pourquoi on était là. 80% des énergies fossiles doivent rester dans le sol, ce n'est pas dans leur plan. Et donc, à chaque fois que des crimes climatiques s'organisent, nous serons là, c'était le message. C'est quoi la réaction quand, par exemple, vous débarquez comme ça à une tribune, vous n'êtes pas attendu, bien sûr, et hop, vous commencez à discuter de ça, à les mettre en cause là-dessus. C'est sécurité tout de suite ou il y a une sorte d'échange qui peut se créer? Ah non, la sécurité est arrivée directement. Mais de toute façon, faut pas prendre Total pour qui organisait le sommet pour des naïfs. Ils connaissent très bien ce qu'on leur dit. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple parallèle, par exemple, Exxon connaissait très bien les tenants et les aboutissants du dérèglement climatique dès les années 70. Ils ont mis tout en œuvre pour financer les climato-sceptiques et pour faire en sorte que les législations sur la transition énergétique n'arrivent pas. Donc, c'est pas comme si on leur apprenait des choses. Hein. Alors, moi, j'aurais une question peut-être plus sur l'organisme que tu représentes, Change.org, parce qu'il a vraiment. Non, c'est 350. Change.org, c'est pour faire des petites choses. Je passe trop de temps à écouter les AG. Non, de 350.org, justement, ils ont la spécificité de se déclarer à la fois anticapitaliste et donc pour le climat. Donc comment est-ce que cette articulation vraiment fait sens? Ça a complètement du sens, dans le sens où si on veut effectivement trouver une sortie de crise qui est à la fois climatique et écologique, il faut sortir d'un système de production, d'un système économique qui est basé sur le diptyque production-consommation. Donc nous, ce pourquoi on milite, c'est d'abord une sortie des énergies fossiles, sans laquelle aucun combat n'est gagnable, parce que si on ne gagne pas le combat pour la justice climatique, on ne pourra pas gagner les autres, parce que notre fenêtre d'action est très très courte. Donc on milite pour une transition énergétique qui soit 100% renouvelable et juste. Et donc juste et décentralisé. Donc ça implique de sortir d'un modèle qui est basé sur les multinationales des énergies fossiles. Alors deux petites dernières questions. D'abord, je voulais savoir, la COP21 s'est passée maintenant depuis 4 mois. L'effet COP21, l'effet on va tous sauver le climat, il est déjà retombé assez vite. En tout cas, pas chez les militants pour la justice climatique. Oui, bien sûr. Je parle en général dans l'opinion et chez les politiques. Non, en fait, moi je vais surtout parler de ce qui se passe dans le mouvement pour la justice climatique. À la fin de la COP, le 12 décembre, on a fait une action de désobéissance civile, avenue de la Grande Armée, donc où il y avait la tombe du soldat inconnu qui reflétait les victimes passées et futures du changement climatique. Et au bout de l'avenue, on voyait le siège de Total, donc on pointait du doigt aussi ceux qui perpétuent le crime climatique. Et donc la société civile internationale qui était réunie à Paris aujourd'hui a pris l'engagement d'avoir le dernier mot et de ne pas laisser les choses retomber comme un soufflet. Donc on voit justement qu'il y a eu les mobilisations de Pau, il y a eu la perturbation du sommet international sur le pétrole à Paris, et surtout la chose la plus importante, c'est que pendant au mois de mai, il va y avoir une semaine de désobéissance climatique coordonnée de manière mondiale. D'accord. Dans 15 sites d'infrastructures différents partout dans le monde, où tous les militants vont converger sur ces sites en disant, voilà, par exemple le site européen, ça s'appelle Endogelen 2, c'est en Allemagne, dans les mines de charbon, et Endogelen 2, ça veut dire jusqu'ici et pas plus loin. Et tous ces militants convergent en disant, l'ère des énergies fossiles est terminée, passons à autre chose et nous ne vous laisserons pas opérer en situation normale. Donc ça, c'est du 4 au 16 mai. Absolument. Ce rendez-vous pour les Européens qui nous écoutent surtout, Endogelen 2, c'est quand ? N2GLN2, exactement, c'est du 12 au 16 mai. Il y a des bus qui sont mis à disposition au départ de Paris le 12. Et donc, on remarque qu'il y a un enthousiasme certain, puisque ce qui est certain, c'est que le dérèglement climatique ne s'arrêtera pas aux frontières. Donc, cette convergence européenne, ça prouve bien le besoin de se rassembler, de se réorganiser et de repenser nos modalités d'action. D'accord, merci beaucoup Clémence Dubois d'être venue, donc 350.org. Comment on fait pour monter dans ces bus très rapidement si on veut y... Alors, j'invite tout le monde à rejoindre notre site 350.org France et particulièrement de manière assez pratique à retrouver notre Facebook 350 France. Attention, il y a 350.org international, mais sur 350 France, vous trouverez tous les liens pour vous inscrire au bus et sur nos sites, on a des mailing lists parce que notre but, c'est pas de faire du lobbying à l'Assemblée nationale, c'est justement de mettre en mouvement les gens pour s'attaquer de manière systémique au problème du dérèglement climatique. Et bah 350 France, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup. Alors on va merci retourner à l'AG, mais dans quelques instants. Mais d'abord, je voulais vous signaler un petit événement qui a lieu demain. 7e action logement Nuit Debout d'Alle, hein, droit au logement, la fameuse association. C'est vendredi, là, ce vendredi, demain, 14h à République ou 15h à Saint-François-Xavier sur la ligne 13. Un grand raffut des opprimés du logement avec le bloc de cuivre de lutte internationale pour le droit au logement, le DAL et Nuit Debout. Il y aura aussi la fanfare sans mêle. L'idée, c'est de faire du bruit pour les opprimés du logement, ceux qui sont mal logés en France, et on sait qu'ils sont nombreux. Allez, on part à l'AG, on revient sur Radio Debout de suite. Pire, à nous opposer, en oubliant ce qui fait sens pour nous tous. Ce qui fait sens pour nous tous, c'est le retrait du projet de loi travail. Le 3 mai sera le début de la discussion à l'Assemblée nationale. Il faudra être présent dans le débat public à cette date, en ayant accumulé le plus de force possible. Le 3 mai, soyons des milliers, des dizaines de milliers devant l'Assemblée nationale. L'opposition à la loi travail est toujours largement majoritaire dans la population. Le gouvernement ne pourra pas tenir avec des pressions d'un côté du patronat et de la rue de l'autre. Le mouvement doit encore s'étendre et se renforcer. Une victoire aujourd'hui changerait le paysage social et démocratique dans notre pays. Nous avons besoin d'espoir, de déchirer une fois les nuages pour redonner enfin un horizon, une perspective. Alors dans la rue, aujourd'hui, demain et après, debout et en lutte de jour comme de nuit jusqu'au retrait. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur le côté et derrière, s'il vous plaît, pour que le son puisse aller le plus loin possible et que tout le monde puisse entendre. Est-ce que vous pouvez aussi, dans les allées, laisser de l'espace de circulation, s'il vous plaît. Aussi, les copains de l'Odéon, les copains qui vont aller en renfort à l'Odéon, attendent au kiosque rouge. Donc il y a un point de rendez-vous qui est là-bas, si vous voulez y aller. Maintenant, c'est Fabien de la CNT SO qui va venir nous parler. Bonsoir. Alors déjà, je vais être un petit peu plus bref que la personne qui m'a précédé. Vous m'entendez ou pas ? Alors déjà, je voudrais me féliciter et nous féliciter de simplement l'existence de cette soirée qui doit permettre de nous réunir, quelle que soit l'étiquette syndicale, et aussi qu'on soit après tout syndiqué ou pas, pour construire cette grève générale, pour construire ce mouvement qu'on espère aussi unitaire et large que possible. Et très, très honnêtement, ça n'arrive pas si souvent qu'on réunisse des personnes de différentes organisations syndicales comme c'est le cas ce soir. Et évidemment, on s'en réjouit. Alors maintenant, d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce n'est pas juste, bien sûr, d'écouter des discours. C'est bien entendu également de construire cette grève. Et si Nuit Debout, ça peut permettre des AG interprofessionnels pour construire et étendre ce mouvement, bien sûr, sur cette place, mais évidemment en dehors de cette place et sur les lieux de travail, c'est un outil à prendre et qu'on prendra et qu'on favorise au-delà de ce qu'on peut faire, disons, en tant que syndicat. Il est évident que ce mouvement, on va le gagner si on est ensemble, au-delà de tout sectarisme, et c'est ce qu'on va essayer de faire, évidemment. Alors, Concrètement, par ailleurs, on est partie prenante de l'appel On Bloque Tout, justement. Il y a une camarade qui a parlé tout à l'heure. Je ne peux que vous enjoindre à diffuser cet appel On Bloque Tout qui, justement, essaye de dépasser les étiquettes syndicales, les sectarismes syndicaux parfois, pour essayer de faire valoir cette stratégie, ce mode d'action aujourd'hui. Voilà. Alors, par ailleurs, ce qui est très intéressant aussi avec Nuit Debout, c'est les méthodes d'action, l'action directe. C'est aussi la démocratie directe. Ce sont des valeurs dans lesquelles notre syndicat a cette. On va retourner au plateau et on va s'entretenir avec un directeur de théâtre à Dijon, c'est cela ? Oui, c'est ça. On parle avec Benoît Lambert, le directeur du CDN de Dijon-Bourgogne. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la représentation de ce soir des Chiens de Navarre a été annulée. Oui, absolument. Et c'est une décision qui a été prise en commun ? Oui, ça a été une décision qui a été prise entre les membres de l'équipe et les salariés permanents du théâtre, qui ont décidé de faire grève ensemble, enfin en tout cas qui ont voté ensemble la grève. Et je dois dire, moi je suis directeur, hein, donc je n'ai pas ni à inciter ni à empêcher les grèves, mais j'étais assez heureux de voir que ça se faisait de façon unitaire, parce que si je dois éprouver un regret, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements unitaires, me semble-t-il, là où les salariés permanents des institutions ont rejoint les intermittents dans leur combat, quoi. Bon, voilà, c'est un combat qui est très rude, mené par des gens très précarisés. Et je trouvais ça bien qu'à Dijon, les salariés permanents, qui sont quand même dans des emplois plus protégés que les intermittents, se joignent au mouvement. Voilà, je trouvais ça très bien, personnellement, même si j'ai pas influé d'une manière ou d'une autre sur la façon dont ça s'est déroulé. Hein. Ouais, voilà. Et donc vous avez accueilli le public ? Absolument, on est encore au Parvis Saint-Jean, là, ce soir. Alors, de fait, on avait quand même prévenu les gens, hein, parce qu'une grève, c'est pas une grève surprise. Hein, donc, on était grévistes, on a fait un communiqué hier, donc ça a été annoncé, voilà. Et il y a quelques spectateurs qui sont venus avec lesquels on a dialogué. Là, on est surtout un peu comme tout le monde, en train de regarder les informations qui tombent, à la fois sur l'évolution des négociations, puisqu'il y a des signatures en cours pour ratifier cet accord. Oui, cet on accord va en parler tout même, à l'heure. Voilà. Absolument. Donc on est tous à l'affût de ça. Quelques spectateurs sont venus, on a un peu parlé. Il y avait des manifestations aujourd'hui à Dijon contre la loi travail. Donc, effectivement, il y a des gens qui, à la fin de la manifestation, sont venus se rassembler ici pour échanger et débattre de façon assez sereine. Mais enfin, ça n'a pas constitué ni une assemblée générale, ni... voilà. Pour l'instant, c'est simplement des discussions qui continuent ici au théâtre. Ouais, c'est important d'accueillir les gens et que les gens puissent discuter. Absolument. Et expliquer pourquoi... Absolument. Pourquoi on fait grève en particulier, pourquoi les spectacles sont annulés. Oui, et On a une information là qui vient de tomber que les CRS sont rentrés au théâtre de l'Odéon qui était occupé jusqu'à aujourd'hui et vont faire évacuer le théâtre. Bah, c'est ce qu'on vient d'apprendre effectivement là aussi parce qu'il y a des informations qui arrivaient pour annoncer ça. Oui, c'est extrêmement regrettable. Hein. Il y a eu un communiqué aujourd'hui de l'Association des Centres Dramatiques Nationaux qui précisément dénonçait un peu la répression policière qu'il y a pu avoir notamment autour de l'Odéon. Je suis un peu désespéré, mais enfin on commence à être un peu habitué à la violence policière du gouvernement. Enfin, c'est même à se demander si le gouvernement tient la police actuellement, quoi. Ça avait commencé dans les manifs contre la loi travail. La police est brutale en ce moment. Je suis très étonné de ça et assez inquiet, hein, même pour tout dire, pas moi tout seul, mais je comprends pas bien cette brutalité policière. Mais... On dit hein, traditionnellement qu'il faut tenir sérieusement la police, quoi. Mais... si on la tient pas, elle. Bon, voilà. Mais dans une situation comme l'Odéon, qui est un théâtre national, je sais pas si tu m'entends. Oui, j'entends, ouais. Dans un théâtre national, qui prend la décision de faire entrer la police ? Est-ce que c'est le directeur du théâtre national ou est-ce que c'est une autre autorité ? Non, là-dessus, il faut quand même être très clair. Moi, j'ai été en contact régulièrement avec les directeurs des théâtres occupés, pas avec Stéphane Braunschweig en l'occurrence, mais avec d'autres directeurs de théâtres occupés. La pression est énorme hein, sur les directeurs des théâtres occupés, de la part des préfectures, de la part parfois des villes, de la part éventuellement de l'État. Je ne suis pas sûr que ce soit le directeur de son propre fait qui décide d'appeler la police. Et connaissant bien Stéphane Braunschweig, je serais même très étonné qu'il ait pris cette décision. Non, il avait même plutôt pris position pour l'occupation au départ. Hein. Voilà, donc je ne pense pas du tout. Simplement, ce bâtiment ne lui appartient pas. Et à un moment donné, un préfet de police peut tout à fait décider d'évacuer un bâtiment public en le décidant seul. Hein. Donc, et on a vu hein, régulièrement des préfets un petit peu montrer les dents. Quoi. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que je pense que du côté des parfois là des services de l'État, notamment, il peut y avoir un peu de tension et un peu de je sais pas, un peu de volonté d'en découdre, mais qui témoigne aussi, le mot je est pense, faible. Il hein. y a même un peu de la provocation. Nous, ce qu'on a senti pendant la manifestation cet après-midi, c'est que ça réagit très vite et très très fort. Hein. Oui, je sais, mais alors là, pour le coup, sincèrement, hein, je vais le dire très clairement, je ne suis pas sûr que le gouvernement actuel tienne la police. Voilà, j'en suis pas sûr. Oui, alors c'est une bonne question, là. Et c'est relativement inquiétant, d'ailleurs. Et d'ailleurs, la question se pose de savoir si la gauche a jamais tenu la police. La police se comporte pas bien, mais je suis pas très sûr qu'on puisse dire simplement les flics de Valls, etc. Mais c'est plus inquiétant que ça, d'ailleurs, hein, de le dire comme ça. Oui, c'est beaucoup plus inquiétant, voilà. Ouais. Oui, mais donc je pense qu'il ne faut pas non plus dire que c'est une répression du gouvernement. Il y a une chose un peu décomposée en ce moment, il me semble. Et je pense qu'il y a des tas de gens qui ont intérêt aux brutalités policières actuellement. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont le plus intérêt aujourd'hui soient le gouvernement. Voilà. Bah écoute, on va se quitter avec là-dessus. Benoît, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup d'être intervenu avec nous. Et puis, bon Parvis Saint-Jean. Merci de parler encore avec les spectateurs. Ouais. Et puis, à bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir, Sophie. Au revoir. On retourne sur l'AG de la place de la République. On est le 59 mars. Qu'a prononcé des peines pour effrayer et nous empêcher de continuer à nous mobiliser. Il faut le faire savoir partout, avoir des numéros de téléphone d'avocat, le numéro de téléphone de la Legal Team sur son bras et demander le report du procès pour avoir le temps de s'organiser, d'avoir le temps d'organiser sa défense et d'organiser les soutiens. Voilà, je reprends mon truc parce que là, il faut quand même que j'ai des trucs à dire. Bon. Donc, contre la répression, alors aujourd'hui, et depuis un mois, beaucoup de choses ont été invoquées, beaucoup de questions ont été posées ici, sur cette place en particulier. Nous devons à la fois renforcer et multiplier nos pratiques, être toujours plus nombreuses et plus inventives, car si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révolution. Empêcher ceux qui nous pourrissent la vie, le patronat et l'État, de faire comme si de rien n'était. Ils n'ont pas le monopole des médias. Les théâtres sont à nous et nous serons des millions pour aller à nouveau les occuper. Les hôpitaux sont à nous, les gares sont à nous, les rues sont à nous. Et les banques, on s'en occupera lundi matin. Pchit, pchit, banque, banque. Voilà. Ok, je me dépêche. Car ce printemps des luttes doit devenir l'été des conquêtes sociales. Oui, de l'argent, il y en a. Comme disent les intermittents, construisons de nouveaux droits. Pour cela, les syndicalistes le savent, la grève doit venir. Celle qui bloque tout, la générale, la reconductible. Oui, ce n'est pas facile, car elle ne se décrète pas, elle se construit. C'est ce que nous avons commencé à faire avec les lycéennes, les étudiantes, les migrantes, les intermittentes, les cheminotes hier. À nous de poursuivre, de convaincre, dans nos collectifs, là où nous vivons, là où nous travaillons. Il faut convaincre celles et ceux qui hésitent encore. Leur dire que l'on peut gagner, et bien au-delà du retrait de la loi travail. Bref. Voilà, on est toujours sur Radio Debout, à quelques pas de l'Assemblée Générale du 59 mars, dont on vient d'écouter un extrait. On se retrouve en studio avec Jérôme qui travaille à l'inspection du travail, justement. Et on voulait, avec toi, évoquer plusieurs choses, en particulier tout ce qui tourne aujourd'hui autour de la loi travail, mais aussi des différentes lois qui ont fait évoluer ton métier. Alors, tu voulais commencer par l'inspection des finances. Non, du travail. L'inspection du travail, putain, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Jérôme de l'inspection du travail. Oui, je voulais commencer par l'inspection du travail parce que la loi El Khomri aujourd'hui, elle s'inscrit pas, elle vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un long processus, un processus qui a commencé dès l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Hollande. En fait, À peine le gouvernement était en place que le ministre du Travail de l'époque, qui s'appelait Sapin, donc qui a pris du grade depuis, puisqu'il est maintenant à Bercy, le ministre du Travail de l'époque nous a concocté une réforme de toute la profession de l'inspection du travail. C'est pour ça que je voulais commencer par là, parce que en fait, on s'est aperçu, avec le temps, parce que ces choses-là se développent avec le temps, on s'est aperçu que c'était le préliminaire, en fait, de la restructuration de tout le système de droit du travail en France. Alors pourquoi ? La loi Sapin, la réforme Sapin de l'inspection, ça a été une déstructuration complète de notre métier. On a eu notre structuration, on a eu notre PSE, comme à PSA, comme dans les boîtes, et comme dans toute la fonction publique à l'heure actuelle, on a eu droit à notre structuration en grand. On a complètement modifié la manière dont on intervient. On nous a placés sous la subordination de petits chefs qui sont sortis des services. On a perdu 10% d'agents de contrôle avec cette réforme, parce que 10% de gens qui sont passés chefs, en fait, qui sont passés chefs d'agents de contrôle lambda, et les agents de contrôle lambda étant à la fois des inspecteurs et des contrôleurs. Il faut savoir que le préliminaire du préliminaire, ça a été de la suppression du corps des contrôleurs du travail, qui sont en fait les deux tiers, qui représentaient les deux tiers de l'inspection inspectante. Et donc, ces agents de contrôle, qui étaient encore plus souvent que nous, inspecteurs du travail sur le terrain, ils ont purement et simplement été rayés de la carte. On a dit, leur corps va disparaître. Et on n'a donné aucun choix à ces personnes-là que de passer inspecteur par un espèce de faux examen de passage qui s'avère être un concours extrêmement discriminatoire. Et ceux qui n'y arriveront pas, crèvent, ils seront sortis des services. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'ils perdent leur statut de fonctionnaire et sortent de l'inspection du travail ? Non, il est juste, il n'y a pas de place pour eux au contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour eux en section d'inspection. Si d'ici deux ans, ils n'ont pas réussi à passer l'examen qui s'avère être un concours, tous ceux qu'on appelle, un mot dégueulasse, les résiduels, d'accord, ils ont vocation à disparaître dans des services annexes ou à se faire employer ailleurs. Donc ça, c'était un préliminaire qu'on a pris dans la figure, qui nous a fait beaucoup de mal, et que par ailleurs, qui a complètement modifié nos conditions de travail, puisqu'en fait, elle nous a rabaissés aux yeux des patrons. Et aujourd'hui, on est des simples, des simples agents de contrôle, alors qu'avant, inspecteur et contrôleur du travail, ça voulait dire quelque chose. C'était un statut qui était respecté, qui donnait un certain profil, qui nous permettait d'avoir une vraie intervention dans les boîtes. Et aujourd'hui, sans rien toucher encore à ce stade au code du travail, ils nous ont déjà fait reculer. Il nous a fait reculer considérablement. Comme quoi, tout se tient. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, je continue. Ouais, si tu veux, je pose des questions. Vas-y, ça fait comme si on faisait de la radio. Quoi. Ouais, okay, questions, réponses. Non, mais justement, tu nous disais que c'était le tour de chauffe, que le démantèlement, ou en tout cas la remise en cause de l'inspection du travail telle qu'elle était. Et donc, pour toi, l'étape suivante, alors ce qui est difficile avec la loi El Khomri, c'est que ça n'est qu'une étape dans une série de lois. Et peut-être, est-ce que tu peux nous dire justement l'enchaînement depuis les lois Sapin de loi et comment celle-là, elle arrive comme un maillon dans une chaîne. Oui, il y a plusieurs maillons, ça se passe à plusieurs niveaux en plus, parce que, par exemple, ce qui vient de passer récemment, là, il y a deux semaines, c'est le vote au niveau européen de la directive sur le secret des affaires. Ouais. Alors, t'imagines bien, le secret des affaires pour des inspecteurs et des contrôleurs du travail, c'est un vrai problème. Si ça devient un absolu, comment on fait notre boulot, nous ? Donc ça, c'est un des éléments. Alors ça s'est passé à un niveau supérieur. Mais on a eu droit également à la loi Macron, qui a assoupli toute une série de dispositions, qui a permis la généralisation du travail du dimanche. On était supposé, nous, contrôler et freiner le développement du travail du dimanche. Et Macron, lui, il le multiplie. Il ouvre la possibilité de travailler le dimanche et la nuit à toute une série de professions sans contrepartie. Donc, où est-ce qu'on exerce notre contrôle ? Là, on a un bras en moins encore une fois. Et après la loi Macron, on a eu droit à la loi Rebsamen. Et la loi Rebsamen, c'est l'affaiblissement de toute la représentation du personnel que nous sommes chargés de défendre dans les entreprises. Donc, première étape Sapin, deuxième étape Macron, troisième étape Rebsamen, et aujourd'hui on arrive à la loi El Khomri. Et avec la loi El Khomri, avec une inspection du travail muselée, avec des institutions représentatives du personnel qui sont désintégrées, il s'agit maintenant de laisser le champ libre à l'innovation patronale. C'est ça la loi El Khomri. C'est maintenant qu'on a déblayé le terrain, on installe la loi des patrons. Alors Jérôme, on va continuer avec toi dans quelques minutes, mais si je ne me trompe pas, on est en direct avec les copains qui étaient enfermés à l'Odéon. L'Odéon, Elodie, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, oui. Est-ce que tu peux nous raconter, l'Odéon, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui se passe en ce moment devant le théâtre de l'Odéon ? Bon, alors il y a à peu près 20 minutes, il y a des CRS qui sont montés sur la terrasse de l'Odéon. Ils ont réussi à rentrer à l'intérieur et ils ont évacués, ils évacuent au fur et à mesure les gens qui sont à l'intérieur. Comment se passe cette évacuation? Est-ce qu'elle est, elle est violente? Comment ça se passe? Ils, les personnes se laissent évacuer? En fait, ils les portent. Ils les portent et ensuite, il y en a qui restent derrière les grilles, mais maintenant, ils commencent à être évacués et à être libres. Et je pense qu'ils ont dû, comme souvent, comme dans les évacuations, ils ont dû prendre leur papier d'identité. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et il y a combien de personnes en ce moment devant le théâtre de l'Odéon? Ben là, il y a des personnes qui arrivent de plus en plus. Donc là, je pense que comme ça, je pense qu'on est 150. On était une vingtaine au départ et maintenant, on est 150 personnes qui arrivent. D'accord. Et est-ce que ceux qui étaient à l'intérieur du théâtre de l'Odéon ont pris la parole là où il y a encore des gens à l'intérieur, sur le balcon par exemple à l'Odéon, où il n'y a plus personne? Non, au balcon. Sur le balcon, il n'y en a plus. Là, j'entendais, ils disent qu'ils reviendront. Ok. Et Ok, Elodie, n'hésite pas à nous rappeler si il se passe des choses. D'accord. Du côté du théâtre de l'Odéon. On entend effectivement, okay, des slogans derrière, justice nulle part, police partout. Donc on sent que l'Odéon est à nous aussi et ils disent qu'ils reviendront. Oui, donc... si j'ai d'autres informations, oui, je vous appellerai. Ok, n'hésite pas à nous rappeler s'il y a des informations et on va retourner donc au plateau de la radio. Merci beaucoup, Elodie. D'accord, à plus tard. Voilà, on est toujours en direct sur Radio Debout. Moi qui m'ennuie souvent quand je vais au théâtre, c'est la première fois que j'ai envie d'aller à l'Odéon. On va continuer avec Jérôme de l'inspection du travail. Tu nous expliquais il y a quelques minutes l'accumulation qui est quelque part en quatre séquences, en quatre lois successives, Sapin, Macron, Rebsamen et puis aujourd'hui El Khomri, de lois qui assouplissent et déstructurent le droit du travail. Finalement, peut-être on peut s'arrêter sur la dernière parce que c'est celle qui donnait lieu à une manifestation aujourd'hui, qui donne lieu à finalement qui a été un peu ce qui a donné lieu aux Nuits Debout, à des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi-là de plus que les autres? En tout cas, qu'est-ce qui vertèbre cette loi-là de ton point de vue, de votre point de vue à l'inspection des finances? Non, du travail. Du travail, putain, mais je vais jamais y arriver. Vas-y. Mais c'est pas grave. À l'inspection du travail, en fait, on a l'habitude de fonctionner dans un cadre national. C'est-à-dire qu'on applique un code du travail qui est un code du travail qui vaut pour toute la France et pour toutes les entreprises de France, sauf quelques cas particuliers comme la SNCF qui a ses propres règles, etc. Mais grosso modo, on sait que dans n'importe quelle entreprise dans laquelle on intervient, on sait qu'on va trouver le socle de loi qui est toujours le même. Ça c'est jusqu'ici, c'est comme ça que ça se passait. Donc ce socle, bah, c'était tout simplement le code du travail. Et aujourd'hui, ce qui est l'élément clé, on va dire, après avoir affaibli tous les garde-fous, c'est de permettre le développement de l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est fait très savant, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit, ouais, par exemple pour des gens qui ne seraient pas inspecteurs du travail? Nous, quand on arrivait dans une entreprise, on avait plusieurs choses à vérifier. D'abord, bon, le droit du travail, ça on le connaissait. Donc ça, c'était notre base, notre socle. On savait que ça, à minima, ça devait s'appliquer. Après, évidemment, il y avait la convention collective de la branche dans laquelle on intervenait. Et ça, normalement, alors avec la hiérarchie des normes telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est du plus. C'est-à-dire qu'on sait qu'à minima, le code du travail devait s'appliquer et on devait vérifier la convention collective pour vérifier des dispositions supplémentaires, plus protectrices, qui pouvaient s'appliquer aux salariés dans cette branche. Concrètement, ça peut être un accord de branche dans la métallurgie fait qu'on part plus tôt à la retraite. Oui, par exemple. Ou alors qu'on a des jours de RTT en plus, ou bien que certaines contraintes et certaines pénibilités sont compensées par des primes ou des repos compensateurs supplémentaires. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des salariés de cette branche? L'ensemble des salariés de cette branche. Et en plus, il pouvait arriver qu'il y ait des accords qui soient passés, des accords par exemple comme les 35 heures spécifiques à telle entreprise, mais on savait dans ce cas-là qu'on devait regarder au-delà de la convention collective parce qu'on allait avoir des accords qui étaient encore plus favorables aux salariés. C'est ça la hiérarchie. En fait, le socle, un socle constitutionnel et de droit du travail de base sur lequel vient s'ajouter, je note bien, une convention collective plus protectrice sur lequel pouvaient encore s'ajouter des droits spécifiques acquis par des accords propres à l'entreprise. Mais c'était toujours des ajouts. Donc on était tranquille dans ce domaine-là. On savait qu'on ne pouvait pas descendre en dessous d'un certain seuil et qu'éventuellement, on devait regarder si des choses supplémentaires venaient s'ajouter. Aujourd'hui, avec l'inversion de la hiérarchie des normes, dans ce qui est prévu dans la loi El Khomri, en fait, nous, à mon syndicat, on a une formule pour ça. C'est très simple. Une rue, un code de la route. Voilà, c'est simple. Vous changez de rue, vous changez de route, vous changez de commune, vous n'avez plus le même code. Vous ne savez plus si la priorité elle s'applique à droite, à gauche ou s'il n'y en a plus du tout. Voilà, c'est ça la loi El Khomri. Pourquoi ? Parce qu'avec l'inversion de la hiérarchie des normes, l'accord d'entreprise peut être plus défavorable que l'accord de branche qui lui-même peut aménager le code du travail dans un sens défavorable. Donc nous, quand on mettra les pieds dans une entreprise, on ne saura jamais si le socle de base de droit du travail s'applique et c'est le DRH qui va nous dire le droit qui s'applique dans la boîte. C'est l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est y compris l'inversion de notre boulot, quoi. C'est, on vient dans l'entreprise pour que le DRH nous dise le code qu'il applique. On peut pas bosser comme ça, nous, hein, ça c'est pas possible. Alors, dernière chose, je voulais quand même, parce que on l'a évoqué tout à l'heure, mais pourquoi cette loi-là provoque une réaction que finalement les autres sont passés très tranquillement ? Qu'est-ce qui... Parce que tu es aussi militante, tu es aussi syndicaliste. Qu'est-ce qui fait que dans cette loi-là, il y a une réaction qui était, il y avait une certaine atonie pour les lois précédentes que tu décrivais pourtant aussi importantes dans la... Parce que, alors, je pense qu'on on est sorti, toutes les lois précédentes, comme je disais, c'était fixer un cadre général qui passait un peu inaperçu au grand public parce qu'on changeait, on modifiait la taille du terrain, mais subrepticement, on bougeait les lignes, histoire que bon, on ne s'aperçoive plus qu'on est en train de jouer dans un terrain différent. C'était assez difficile à percevoir par le grand public parce que c'est des choses un peu spécialisées. Par exemple, je prends juste un exemple sur la loi Rebsamen, sur les savoir qu'on modifie les règles de représentation du personnel, pour quelqu'un qui n'est pas syndicaliste, c'est difficile à percevoir. On leur dit qu'il y aura toujours une représentation du personnel, que ce qu'elle soit fusionnée ou séparée, pour les gens ça fait pas grand chose comme différence tant qu'il y a encore des représentants. Le problème c'est que quand elle est complètement modifiée, on n'est plus dans le même cadre. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'AG, effectivement, à l'Assemblée Générale. En ce moment, il y a la CGT Martinez qui répond à des questions qu'ont posées des auditeurs, préciser qu'il vient d'appeler à la grève pour le 3 mai et qu'il appelle à une grève reconductible dans toutes les entreprises à partir du 3 mai. Voilà, c'est l'appel que vient de lancer la CGT, un appel à une grève reconductible à partir du 3 mai dans certaines entreprises. On me dit que non. Maintenant, on va... Partout c'est possible, voilà. Partout c'est possible, grève reconductible à partir du 3 mai et en tout cas appel à la grève pour le 3 mai. On va l'écouter. Radio debout. Facilité sur la deuxième partie de soirée. Est-ce que les deux facilitatrices qui se sont inscrites peuvent venir et auquel cas si elles ne sont pas là, on fera appel à deux personnes de l'Assemblée pour venir nous relayer. Ouais, moi là j'ai causé tout à l'heure là en tant que porte-parole de la coordination nationale étudiante, mais il y a un truc que j'avais pas encore capté, c'est que il y a les représentations des directions syndicales en personne qui s'étaient joints à ce cadre de discussion, et ça on en est très heureux parce qu'en fait ça fait un bout de temps qu'on avait envie de partager ce cadre-là, parce que la dernière coordination nationale étudiante avait voté le fait d'envoyer une délégation au congrès de la CGT pour interpeller la direction sur la base du fait que toutes les discussions qu'on avait avec un certain nombre de travailleurs et travailleuses, sur la base aussi des déclarations de certaines sections syndicales locales comme celle du 31 ou si on regarde même du côté du Havre, etc., appelaient déjà à la grève générale et appelaient à ce que ce soit la politique des directions syndicales. Et du coup, le complément à la question qu'on voudrait poser, c'est pourquoi est-ce que nous, la jeunesse, en restant encore isolés déjà face à toutes ces dates de mobilisation ? Parce que, par exemple, le 3 mai, la ligne de la direction syndicale, ça n'a pas été d'y appeler directement. C'est des dates qui émergent d'ailleurs et auxquelles ils sont obligés de se rallier. Donc la question, c'est pourquoi il n'y a pas un projet qui est formulé par les directions syndicales vis-à-vis de la grève reconductible et pourquoi est-ce qu'on est seul aussi face aux situations de répression, comme rien que cet après-midi à la manif où le cortège a été pété en deux par les flics et on n'a eu aucun soutien de ce côté-là. Et par exemple, si on voit en revanche la motion des dockers du Havre qui dit si on touche à un cheveu d'un seul étudiant, on bloque tout le pouvoir, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le congrès de la CGT qui est sorti avec un appel, qui appelle à la reconductible et qui appelle à solidariser des étudiants et de tous les cas de répression ? Donc ça, c'est la question qu'aujourd'hui, on aimerait poser directement, puisqu'on n'a pas pu le faire au congrès, à Philippe Martinez, à Éric Bénel, à toutes les directions syndicales. Deuxième question adressée à M. Martinez. Comment allez-vous faire pour bloquer l'économie ? Bah, la réponse est simple. À moi tout seul, j'y arriverai pas. Donc, ce qu'il faut, et j'écoute et je respecte toutes les interventions, y compris celle qui m'a précédé. J'ai oublié de vous amener la motion du congrès de la CGT, mais vous pouvez la lire sur notre site internet. Elle est claire, nette et précise. Et partout, et aujourd'hui, dans toutes les entreprises, là où il y a eu grève, la question de la reconduction, elle a été posée partout. Ce qu'il faut, c'est convaincre. C'est-à-dire que des micros comme celui-là, il en faut dans toutes les entreprises pour faire des assemblées générales de personnel et décider ensemble. Et ça, vous le savez très bien, vous avez de l'expérience. Donc, oui, la CGT, elle prend ses responsabilités en tant que première organisation syndicale de salariés en France. Elle prend ses responsabilités. Mais il y a besoin, je vous le répète, que les paroles et les discours, ils se traduisent en actes. Et en actes, là où sont les salariés, les privés d'emploi, les retraités et les jeunes. Et ça, eh bien, c'est du boulot. Et vous le savez très bien. Et donc, tous les militants de la CGT s'attachent à faire ce que je viens de vous dire. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de grèves, des manifestations, malgré les congés scolaires, ont rassemblé plus de 500 000 personnes. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qui s'est passé dans les entreprises. Et partout, cette question, elle a été posée. Mais je vous le répète, ou alors on va se mentir entre nous, il y a besoin de convaincre et de discuter et de poser la question ici, bien sûr, mais surtout, partout où il y a des salariés qui doivent, eux, décider de la grève. Donc de ce point de vue-là, la CGT et ses militants, dans les conditions que je vous ai rappelées tout à l'heure, les militants sont sur le terrain et relaient cette démarche qui a besoin de bloquer l'économie. Et je propose, puisque j'ai le micro, un dernier message. Il faut qu'on sache aussi valoriser les victoires du monde du travail, les porter, parce que quand on voit des salariés qui gagnent, eh bien, ça donne envie de s'y mettre et de gagner à son tour. Et des victoires, on en a, le monde du travail en a. Et donc, il y a besoin, je ne vous les citerai pas tous, je pense à mes amis, puisqu'on était à Marseille la semaine dernière, mes amis de Fralib, qui ont lutté 1336 jours. Ils méritent quelques applaudissements. 1336 jours. Vous voyez que quand les salariés le décident, la grève, elle est reconductible. Et parfois, très longtemps. Je veux saluer aussi la mobilisation des intermittents qui ont arraché au patronat une augmentation de leur cotisation sociale. Si il se passait la même chose au niveau de l'ensemble du patronat, c'est-à-dire une augmentation de 1% de leur cotisation, ça ferait rentrer 5 milliards dans les caisses de l'UNEDIC. Le déficit aujourd'hui, il est de 4 milliards. Vous voyez qu'il y aurait de quoi indemniser plus longtemps et mieux l'ensemble des privés d'emploi. Voilà quelques points sur lesquels il y a besoin de discuter ici, partout, dans les places Nuit Debout, mais dans les entreprises. Voilà, on est toujours sur Radio Debout. On vient d'entendre une intervention de Philippe Martinez, qui est le secrétaire général de la CGT. Le débat à l'Assemblée Générale avec Philippe Martinez se poursuit. Mais nous, on va se déporter de quelques milliers de kilomètres, puisqu'on va se retrouver à la Guadeloupe avec Guillaume. Guillaume, est-ce que tu m'entends ? Oui, tout à fait, je t'entends très bien. Alors, on me dit que tu es à Le Gosier, à la Guadeloupe, et que chez vous aussi, des Nuits Debout s'organisent. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur à quoi ça ressemble chez vous, combien de personnes ça rassemble et de quoi on débat ? Alors, les Nuits Debout, ça essaye de s'organiser en Guadeloupe, effectivement. En gros, la fréquence, c'est tous les week-ends, il y a une initiative qui s'organise. Donc l'idée, c'est un peu comme au départ des Nuits Debout à Paris, c'est-à-dire au travers le visionnage d'un film ou d'un extrait de film, et ensuite les débats qui s'en suivent sur les problématiques sociales locales. Alors c'est vrai qu'on a qui a du mal à mobiliser, hein, puisque une de vous rassemble environ 50 personnes à chaque fois, donc c'est peu instanciable, mais disons que comme ça ne faiblit pas et qu'on arrive à le reproduire régulièrement de semaine en semaine, c'est plutôt positif. Et alors, on me pose une question là dans le studio. Nous, on appelle ça Nuit Debout parce qu'on fait ça la nuit, mais avec le décalage horaire là chez vous, on en est où ? Les Nuits Debout, elles se passent la nuit en Guadeloupe, donc c'est-à-dire chez vous au cœur de la nuit, on va dire. C'est-à-dire qu'on commence vers soit le vendredi, soit le samedi soir, vers 18h30, 19h, au moment où la nuit tombe, et puis on débat jusque vers 11h, minuit, en gros, voilà. Et après, les gens rentrent chez eux parce que il y a des problèmes de logistique, etc. Alors, peut-être pour revenir un peu sur ici, nous on est place de la République, ici tout ça c'est est né en s'adossant aux mobilisations contre la loi El Khomri. Est-ce que les débats que vous avez sont eux aussi centrés sur cette question de la loi dite travail, ou il y a d'autres ressorts ? Alors, il y a effectivement la loi travail qui est au cœur des débats, hein, puisque la loi travail en Guadeloupe, avec un taux de chômage de 24% et chez les jeunes de 18-24 ans de près de 60%, vous pensez bien que la loi travail, oui, elle est débattue fortement ici, mais c'est aussi élargi autour de problématiques éducatives en particulier, puisque la fonction publique, qui est quand même le cœur de la vie en Guadeloupe, et de la survie peut-être même en Guadeloupe, est fortement attaquée avec des suppressions de postes dans de nombreux domaines, en particulier dans l'éducation, à la poste, dans le service public de l'hôpital. Et donc c'est vrai que toutes ces choses-là, ça interroge aussi beaucoup, d'où une initiative de grève générale commune le 12 mai, public-privé, autour de la problématique de l'emploi, emploi public, emploi privé, un emploi de qualité. Alors cet appel à la grève générale, il repose sur quel secteur ? Qui est-ce qui appelle ? Qui sont les forces en présence ? Les forces en présence, c'est d'une part donc la sphère publique avec, je vous ai expliqué, donc la FSU pour l'éducation, les syndicats du public pour la fonction publique hospitalière, et puis Sud PTD Guada pour ce qui concerne la poste qui est aussi menacée. Et puis dans le privé, c'est à l'initiative de la CGT locale, la CGT Guadeloupe, et surtout le syndicat indépendantiste majeur, l'UGTG, dirigé par Elie de Mota, qui avait déjà dirigé le mouvement de 2009, et donc qui appelle sur les problématiques du privé contre la loi El Khomri et pour le respect des engagements, et en particulier les engagements de 2009 sur les salaires plus importants, et les licenciements qu'on vit en ce moment dans de nombreux secteurs. Alors je sais que c'est difficile de faire des paris ou des pronostics sur l'avenir, mais tu penses que le niveau de mobilisation actuel pourrait permet d'envisager quelque chose de l'ampleur ou qui ressemblerait à ce qui s'est passé en 2009 ? Alors ça, c'est toujours difficile à dire, oui, parce qu'en 2009, il y a quand même eu une conjonction d'événements qui ont fait entre la grève des pompistes qui a bloqué l'île, la grève des transporteurs, etc., qui s'est additionnée, ça a permis de créer un mouvement fort. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans des conditions aujourd'hui, en 2016, qui approchent effectivement celles de 2009 en termes de difficultés sociales et difficultés socio-économiques. Donc, de toute façon, le 12 mai va être réussi, même si vos médias n'en parleront sans doute absolument pas. C'est évident que le 12 mai sera réussi. Et une autre question peut-être sur ce qui se passe à Nuit Debout chez vous. Tu nous parlais d'une cinquantaine de personnes. Est-ce que tu expliques comment la faiblesse de la mobilisation, c'est quelque chose qui est naissant. Et pourquoi est-ce que pourquoi 50 personnes, quoi, de ton point de vue ? Alors, il y a une vraie difficulté ici, c'est que tout ce qui est métropolitain entre guillemets ou hexagonal emporte immédiatement un rejet de la fraction militante indépendantiste locale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça existe ailleurs, il faut pas que ça existe en Guadeloupe. C'est pour ça que aujourd'hui il y avait pas de grève contre la loi El Khomri, parce qu'on est le 28 avril et qu'il y avait un appel national, donc c'était pas possible de l'organiser aujourd'hui. C'est pour ça qu'on le fait le 12 mai. Et Nuit Debout est un peu victime de ça, je pense. C'est-à-dire que une partie des gens et des militants considèrent que comme c'est à Paris, ça doit rester à Paris, et puis en Guadeloupe, si on doit faire quelque chose, ça doit être autre chose. L'autre élément, c'est que il n'y a pas réellement une culture en Guadeloupe de se rassembler le soir, etc. Le soir, c'est un moment familial, et puis et ça reste un moment familial. En fait, c'est très difficile de mobiliser les gens le soir, quoi. D'accord, Guillaume. Donc, Guillaume, on va nous retourner sur le plateau de Radio Debout. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces échanges, en particulier autour des journées du 12 mai chez vous, pour se faire l'écho de vos mobilisations. Oui, avec plaisir. Et puis, bon courage, continuez. Je suis passé à Nuit Debout le deuxième jour, puisque j'étais sur Paris à ce moment-là. Et donc... c'est un moment de débat formidable, donc continuez et on essaye de le développer ici avec nos petits moyens. Et ici, il y a énormément de monde ce soir, place de la République. Merci, une assemblée populaire qui retrouve la foule de ses premiers jours, et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Aujourd'hui, c'était une journée de manifestation, et puis tout au long du cortège, eh bien, Juju a réalisé des petits sons, des reportages, et là, c'est un reportage sur l'église de la Sainte Consommation. Nous sommes l'église de la très sainte consommation, venue semer sur terre la bonne parole. Je suis le pape 40 et je suis le fils du capital. Je suis accompagné de l'archevêque Coca-Cola, je suis accompagné de mon petit-fils à papa, qui est à la tête de nombreuses multinationales et de TF1. C'est lui qui vous éduque. Avec TF1, je suis venu avec Jean-Eudes de la Fourme d'Alembert, qui est le célèbre créateur d'Antuber, une start-up à la mi-chemin entre YouTube et Uber. Il va falloir vous habituer à être soumis et à ne plus avoir de salaire, tout simplement. Et je suis venu évidemment avec mes femmes objets. Elles sont dociles et ce sont des femmes de milliardaires. Allez, on va faire un petit jeu, tu vas devoir répondre à nos slogans préférés, nos slogans publicitaires. Tu vas devoir les terminer. D'accord ? Obéis, consomme, travaille, obéis, consomme, travaille, obéis, consomme, travaille, obéis, consomme ! Allez, on se lève tous pour Danette ! Un peu de... Je te bénir ? Non ? Non ? Ok, allez. Quand même, les slogans publicitaires, c'est un peu la base de la culture. Si vous avez des enfants, je crois que c'est la moindre des choses. TF1 sur toutes les chaînes, TF1 sur toutes les chaînes, TF1 sur toutes les chaînes, la culture ça fait mal à la tête, la culture ça fait mal à la tête, la culture ça fait mal à la tête. Ah, ben j'ai l'impression qu'il n'y a personne, depuis tout à l'heure quoi, il y a eu quoi, une dizaine de personnes qui est passée devant nous? Exactement. Une quinzaine au maximum. Avec nos, avec notre argent, avec les points et congés payés, puis c'est notre argent ça, à nous les riches. Alors le site internet Église de la Très Sainte Consommation fait sur Facebook et consomme.org pour l'instant et résignez-vous.fr évidemment. Et à République. Tous ensemble, yeah, yeah, tous ensemble, yeah, yeah. Résignez-vous, résignez-vous, résignez-vous, tous tout seul, hey, hey. Tous tout seul, tous tout seul, hey, hey, tous tout seul, hey, seul, hey, hey, tous en Suisse, tous en Suisse, hey, hey, tous en Suisse, tous en Suisse, hey. Résignez-vous, résignez-vous, résignez-vous, résignez-vous. Merci, merci, à El Khomri, merci, merci, à El Khomri, merci, merci. Les assistés, vous nous volez. Les assistés, vous nous volez. Je dis ça parce que c'est l'aéroport, vous nous volez. Radio Debout. Déjà converti. Laissez les requins tranquilles dans leur habitat naturel. Il y en a beaucoup sur la terre ferme qui sont inhumains et cruels. Lesquels dites-vous ? Toute l'oligarchie, les gens de pouvoir et leurs patrons, les banquiers. Alors je vous préviens, les animaux sauvages, même pour les soigner, il faut les anesthésier. À chaque fois qu'on met le doigt là où ça leur fait mal, ils nous traitent d'extrémistes. Comment voulez-vous qu'avec ces gens-là, nous demeurions optimistes? Mais avons-nous d'autre choix que de maintenir la marche et garder l'espoir? Même si partager les richesses n'est vraiment pas la mer à boire. On m'a toujours dit que le français, il faut le parler bien. Toujours fait des efforts et oublier mon accent maghrébin. J'ai toujours répondu, mais madame, monsieur, ne pensez-vous pas que ça c'est rien? Moi je me fiche que je dise la lettre que j'ai écrite ou la lettre que j'ai écrite. Tout ce qui m'importe, c'est que ce monde soit moins hypocrite. Vous avez des enfants? Eh bien nous aussi. sauf que tous ne fréquentent pas les mêmes lycées, les vôtres. Et ils vont voyager, ils vont en Amérique pour y admirer le bison. Les nôtres, ils ont le choix entre la cité et la rue, ou perdre la raison, ou si vous préférez, la prison. Alors, chers amis, en attendant des jours meilleurs, je vous dis, allez-y, admirez le monde, montez sur les toits. Quant à moi, je me réserve un peu de colère pour la prochaine fois. Voilà, on est toujours le 59 mars et on est toujours sur Radio Debout en direct de la place de la République. Il se passe toujours quelque chose à l'antenne. On va donc continuer avec Jérôme qui était avec nous tout à l'heure et puis avec Tariq qui nous a rejoint. Deux, trois mots, Jérôme, parce qu'on a évoqué l'accumulation de lois, la forme particulière et la violence particulière de la loi El Khomri. Peut-être on pourrait chuter sur ce mouvement en tant que tel, qui de mobilisation moyennement réussie en mobilisation moyennement réussie, finalement tient le cap, et puis ces formes Nuit Debout, etc., qui naissent. Je veux voir, toi qui n'es plus un tout jeune militant, comment tu vois ça, comment tu comprends ça? Merci pour le tout jeune militant. Non, je voulais montrer que tu avais de l'expérience et du savoir, okay. Que ta parole était c'est nourrie. C'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on ne peut pas être surpris par ce qui se développe. Et d'ailleurs, il faut garder une certaine fraîcheur. Moi, ce que je note, c'est de vraiment nouveau dans la période, c'est justement cette espèce de capacité de Nuit Debout à faire converger. Parce que c'est pas tout, effectivement, d'avoir des journées d'action. Bon, ça, les syndicats savent faire. Mais l'intérêt de Nuit Debout, c'est qu'elle crée un bruit de fond. Un bruit de fond permanent. Même s'il y a des actions qui peuvent être espacées, appelées par les syndicats, il y a toujours Nuit Debout. Et Nuit Debout reste debout. Et pendant que ce Nuit Debout reste debout, les gens se rencontrent, ils se croisent, et il y a des choses merveilleuses qui apparaissent. Je veux donner quelques exemples d'actions concrètes, puisque tu voulais qu'on parle de choses un peu concrètes. Avant le démarrage de Nuit Debout, Nuit Debout était déjà dans les tuyaux. Hein. Mais avant le démarrage de Nuit Debout, le 29 mars... Donc, il y a eu une action qui a été menée en convergence entre les collectifs sans papiers, des collectifs sans papiers, de travailleurs sans papiers qui protestaient contre le travail au noir qui leur était imposé, et ben, justement une intersyndicale de l'inspection du travail dont je faisais partie. On est très fiers d'avoir participé à cette action. On a occupé la direction générale du travail. C'est-à-dire que pendant un jour et demi, on a bloqué l'étage où se rédigeaient ben, justement les amendements à la loi El Khomri. Et pourquoi on l'a fait? Bah parce qu'en fait, les sans-papiers, on considère qu'ils sont forcés d'accepter le travail au noir et que le seul moyen pour eux de sortir de cette impasse, c'est de faciliter la régularisation du travailleur sur simple constat de relation de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de conditions de durée de séjour, de conditions de durée dans l'emploi. Et pour faciliter cette régularisation, ils demandent conjointement à l'intersyndicale du ministère qu'à l'inspection du travail, on octroie un pouvoir de régularisation sur simple constat. Alors vous imaginez bien qu'à l'intersyndicale du ministère, on s'est emparé de cette revendication. Ce qui fait que l'action a été menée conjointement. Nous, on a fourni tout l'appui, toute la logistique pour les camarades sans papier qui ont occupé notre propre administration. Et on les a protégés et on les a défendus devant la hiérarchie. Voilà, ça c'est ce type d'action qui peut se mener. La semaine suivante, il y a eu 3 occupations simultanées dans Paris. La Société Générale, la Maison des Pratiques Amateurs et une annexe de la mairie de Paris par des salariés du nettoyage de la mairie. Voilà, c'est ce genre de choses se multiplient. Tous les jours, il y a des actions, tous les jours, il y a des occupations et des blocages sur différents sujets, pas forcément uniquement sur la loi El Khomri, mais toujours autour de cette question de la valeur du travail, la valeur qu'il faut défendre contre ceux qui veulent la liquider. Donc moi, je pense que Nuit Debout, ça permet ça. Il faut multiplier ce genre d'initiative. Faut noter quelque chose, juste, je termine, ouais, un petit truc. Aujourd'hui, Gattaz a plusieurs fois dit qu'il était plus très chaud pour soutenir la loi El Khomri. Gattaz, le type qui a commandité la loi. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce qu'aujourd'hui, il s'aperçoit que la loi travail a attiré l'attention sur le rôle du MEDEF dans cette société. Et ça, il ne veut pas que ça arrive. Donc, il faut mettre l'éteignoir là-dessus. Voilà, on est en train de leur faire peur, les amis. On est en train de leur faire très peur. Et il faut continuer. Voilà, nous, on n'a pas peur. C'est eux qui ont peur maintenant. Alors, Jérôme, on va se tourner vers Tariq, parce que pendant que toi, t'occupais des annexes du ministère du Travail, lui, il s'est consacré à la culture et il est allé à la Comédie Française. T'as tellement aimé ça que t'y as même dormi, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé? C'était génial. On a dormi sous les dorures donc, de la Comédie Française. C'était assez fantastique. C'est la meilleure occupation de ma vie. C'est-à-dire que pour une fois, ça faisait plusieurs jours, bon voilà, qu'on dormait à nuit debout, dans des tentes, sous la flotte, à galérer, à bouffer des sandwichs vegan. Bah pour une fois, voilà, on a dormi sous les dorures de cet endroit très majestueux et bourgeois. Et donc voilà, on est arrivé avec donc des intermittents du spectacle, des intermittentes évidemment du spectacle, des précaires. Des étudiants, étudiantes, etc. On venait de l'occupation, en fait, on était devant l'occupation d'Odéon. Et donc les négociations n'avançaient pas. Il faut savoir que le théâtre de l'Odéon à Paris était occupé depuis déjà un soir ou deux soirs. Deux soirs, il me semble. Et on a décidé, bon voilà, en soutien à ce qui se passait à Odéon et en voyant bien qu'il se passait pas grand chose au niveau des négociations, que le ministère de la Culture a même décidé d'affamer en fait les gens qui étaient dedans en refusant qu'on leur monte de la bouffe, également les médias puissent rentrer à l'intérieur, que leur conférence de presse puisse se tenir, et que l'Assemblée populaire, l'Assemblée générale qui était censée, enfin qu'on demandait, que les camarades qui étaient dedans demandaient puissent se tenir, bah, on a décidé, bah, s'ils nous laissent pas avoir ça, et si en fait il n'y a pas un assez gros rapport de force en occupant juste l'Odéon, eh ben on va en occuper un autre de théâtre, et pas des moindres, c'était la Comédie Française. On est arrivé avec une centaine de camarades dans ce théâtre. On a interrompu un spectacle de Guillaume Gallienne. Ça me fait particulièrement plaisir parce que je ne suis pas fan de Guillaume Gallienne. Bref. C'est malin. Et donc on est arrivé dans cette salle avec évidemment les intermittents, précaires, étudiants, etc. Et aussi d'autres secteurs, c'est-à-dire qu'il y avait des postiers qui étaient là et des cheminots. Et c'était assez intéressant de voir qu'on a pu s'adresser au public qui se posait quand même vachement des questions sur ce qui se passait, qui était clairement un peu dégoûté du fait d'avoir payé leur place, de s'être tous fait beau pour venir et de se dire qu'il n'y aurait pas de représentation. On leur a expliqué clairement qu'il ne s'agissait plus d'un spectacle et qu'il s'agissait de la réalité sociale, que les personnes qui d'habitude font le théâtre, les personnes qui d'habitude jouent sur scène, les personnes qui d'habitude font la lumière, le son, les costumes, etc., et ben, ils n'arrivaient plus à survivre, et que là, il y avait un moment où il fallait sortir du quotidien et sortir du cadre juste d'être spectateur et de devenir acteur chacun et chacune de nos vies. Et du coup, on a occupé la Comédie Française. Alors du coup, ça s'est passé, vous êtes resté combien de temps? Vous êtes sorti à quelle occasion? Enfin, racontez la fin, puisque tu es parmi nous maintenant. Oui, je suis parmi vous. Ça fait, en fait, on est resté 3 jours, donc 2 nuits là-bas. Donc ça s'est passé comment? C'était assez, c'était très intéressant dans le sens où le premier soir on a eu deux fêtes et une assemblée générale, ce qui peut s'apparenter à une assemblée générale avec le public et les comédiens, puisqu'on a fait irruption dans ce théâtre juste avant la représentation. De fait, on aurait probablement tous et toutes préféré arriver à la fin du spectacle, histoire que les spectateurs soient contents, etc. Mais l'urgence faisant, du fait qu'il y avait eu des violences policières à Odéon, on est arrivé au début de la représentation et on a eu une première discussion en fait avec les spectateurs. Donc évidemment les spectateurs, à l'image de la société et à l'image de la société qui se permet aujourd'hui d'aller au théâtre, à la Comédie Française, il n'y avait pas que des bonnes réactions, et c'était ça qui était intéressant. Pas trop de bonnes vibrations avec le public. Il y avait pas que, il y a évidemment des gens qui sont restés même tard jusqu'à l'occupation, puis il y a des gens clairement une réponse assez tendue de gens qui nous traitaient de terroristes, enfin, quand on sait ce qui s'est passé en France ces derniers mois, et quand on sait que par exemple au Bataclan il y a des intermittents du spectacle qui sont fait tuer, c'était un peu indécent de la part de ces gens là mais c'est marrant, c'est pas les gens qui étaient en haut sur les balcons qui étaient les plus virulents, c'était les gens qui étaient au premier rang, quoi, ceux qui peuvent se payer des billets un peu chers. Bref, on a eu cette assemblée, et on a eu une autre assemblée en fait le lendemain avec les travailleurs et les travailleuses du théâtre, et c'était vachement intéressant parce que justement eux nous ont dit et ils nous ont fait savoir pendant tout le temps de l'occupation que en fait c'était un peu compliqué même à la Comédie Française de travailler dans de bonnes conditions. Voilà Tariq, merci pour ces quelques échos de la culture parisienne. Je crois qu'on va retourner à l'Assemblée Générale qui continue à se dérouler sur la place de la République. On est parti ? On est parti, effectivement. Et puis surtout, à nos auditeurs, si vous avez des informations ou s'il se passe des choses dans votre ville, là où vous êtes, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, radiodebout@gmail.com. Envoyez-nous un mail, donnez-nous votre contact. Et bien sûr, on vous appelle pour raconter ce qui se passe dans votre ville. Et là, retour à l'AG. Une personne qui était à l'intérieur de l'Odéon qui le bloquait. Ça s'est passé sans heurts particuliers. En revanche, il n'y a pas eu de violence. Et depuis, il y a à peu près, elle m'a dit, à vue de nez, 200 personnes ou quelque chose comme ça, qui ont improvisé une AG devant, enfin une assemblée pour parler. Ils n'ont pas de sono particulière, ils n'ont pas d'organisation particulière, mais en revanche, ils tiennent à rester un peu devant tant qu'ils peuvent, donc ils sont là-bas. Et elle voulait vous dire ça, vous ici à La République. Voilà. Bien, j'appelle une fois de plus, s'il vous plaît, les gens qui sont sur les côtés et sur le fond à s'asseoir. On nous dit qu'il y a plusieurs rangs derrière, donc si vous pouviez vous asseoir, ce serait sympa pour les copains qui sont derrière. Merci. Alors on va prendre une dernière question. Deux dernières questions. Du coup, septième question, adressée à Monsieur Martinez. Les valeurs de la CGT sont-elles compatibles avec Nuit Debout ? Il me semble que j'ai déjà répondu, mais je veux bien vous le redire. Il y a besoin d'un mouvement citoyen beaucoup plus fort et que la citoyenneté, elle soit présente partout. Et moi, j'insiste. Quand on rentre dans une entreprise, on doit déposer ses idées à la porte et les récupérer le soir en partant. Eh bien, ça doit plus être possible. C'est plus possible que dans les entreprises, les salariés, ils n'aient pas le droit de donner leur avis sur leur travail, sur les comptes de l'entreprise. C'est ça qu'il faut gagner. Donc, vous voyez bien qu'il y a des convergences aussi sur la nature, sur cette nature-là. Et c'est important qu'on défende cette notion de citoyenneté partout où elle est remise en cause. Et à l'entreprise, c'est tous les jours qu'elle est remise en cause avec des sanctions pour ceux qui ne respectent pas cette règle. Je vous l'ai dit, des militants, des syndiqués et des salariés, c'est le cas pour les lanceurs d'alerte, sont licenciés parce qu'ils contestent la politique de leur entreprise. Eh bien, ça ne peut plus durer. Donc, vous voyez bien, nous avons des valeurs communes et il faut que ça se prolonge. Merci. Voilà, on est toujours sur Radio Debout. C'était toujours l'AG. Et dans l'AG, il y a un certain nombre de gens qui viennent poser des questions à Philippe Martinez de la CGT. Donc il y a un jeu de questions-réponses. Nous, on va s'éloigner un petit peu de la place de la République. Et puis on va aller à Toulouse, puisque normalement, si tout va bien, on est avec Côme par téléphone. Tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Alors, comme peut-être qu'on peut, on peut commencer par la journée de mobilisation contre la loi El Khomri. Qu'est-ce que ça a donné la mobilisation chez vous aujourd'hui ? Concrètement, il y a eu une manifestation à 11h du matin à Toulouse. Je n'ai pas les chiffres exacts parce que je n'ai pas pu rentrer chez moi, donc je n'ai pas encore les chiffres. Mais ça se comptait plutôt en plusieurs milliers de personnes. Ce qui est quand même positif parce que chez nous, c'est encore complètement les vacances scolaires. Et il n'y avait pas d'appel clair à la grève pour la journée. Il y a quand même eu pas mal de monde, un bon dynamisme. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un cortège étudiants et lycéens, mais aussi un cortège Nuit Debout, avec un cortège en commun, un cortège avec le DAL, le droit au logement, et la coordination des intermittents et précaires, qui tous les trois étaient dans le cortège commun. Et de plusieurs, je dirais entre 400, 600, voire 600, 700 personnes dans ce cortège, avec un dynamisme assez incroyable. Donc c'était plutôt pas mal, et voilà. Et justement, en parlant des intermittents... Vas-y, finis. Oui. Et du coup, au niveau des intermittents, bah justement, c'est pour répondre à cette question, ils ont décidé d'occuper le Théâtre National de Toulouse aujourd'hui. Donc là, ils sont encore en occupation à l'heure actuelle. Et pour 24 heures, ils ont voté l'occupation pour 24 heures, reconductible demain en Assemblée Générale s'ils décident de reconduire l'occupation. D'accord, ouais, parce que ici à Paris, on nous disait presque plus de 10 théâtres en France qui sont occupés. Il y a eu la Comédie Française jusqu'à tout à l'heure, il y a l'Odéon. Donc Toulouse s'ajoute à la liste. Peut-être tu pourrais nous dire deux mots sur Nuit Debout. On a fait le point avec toi il y a une semaine, c'était mercredi dernier, donc un peu il y a 8 jours. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment les choses avancent, comment les choses évoluent, à quelle fréquence vous rencontrez, enfin nous dire un petit peu quelle forme ça prend chez vous. Concrètement, ça se structure de plus en plus, ça permet quand même d'arrêter dans le dilettantisme complet. Il y a des réunions, des assemblées générales et des ateliers tous les soirs, même quand il fait extrêmement mauvais. Et du coup, il y a quand même un saut, à mon avis, qualitatif en termes de structuration du mouvement qui est assez intéressant, notamment par des commissions qui sont maintenant dites bien plus régulières, des ateliers qui le sont tout autant, qui proposent des trucs, des actions concrètes. Une commission action qui agit en interlutte avec plein d'autres associations et collectifs et secteurs en lutte, donc ça c'est quand même aussi positif, et surtout après en termes quantitatifs, en termes de personnes, il y a eu bien sûr un creux pendant une semaine et demie parce que c'était les vacances et qu'il y avait aussi beaucoup de militants qui étaient là depuis le début, qui étaient assez fatigués, qui ont fait un petit break quoi. Mais là, actuellement, suite à la manif d'aujourd'hui, on se retrouve à entre 500 et 700 personnes sur la place. Et ça n'était pas arrivé depuis le 31 mars. Donc il y a quand même un rebond qui a eu lieu aujourd'hui au niveau de Nuit Debout de Toulouse, et qu'on espère que ce sera le cas partout, quoi. Voilà. Alors je sais que dans les Nuits Debout, les interventions sont très diverses, mais sur le fond politique, sur les revendications qui émergent, etc., est-ce que comment les choses avancent et évoluent par rapport... Ouais, par rapport aux revendications. Mais oui, du coup, concrètement, c'est assez compliqué effectivement de donner un sens à tout le monde parce qu'elles sont effectivement toutes diverses, quoi, les interventions. Mais ce qui un peu regroupe tout le monde, et ça c'est un acquis, et ça s'est vu à la manifestation aujourd'hui avec le cortège de Nuit Debout et la CIP et le DAL, c'est le retrait du projet de loi de El Khomri, du projet de loi de travail, mais aussi bien plus au-delà, et c'est pour ça qu'on a un peu caractérisé nos revendications contre le projet de loi et son monde, le monde qu'elle représente, et le monde plein de précarité et d'injustice. Et du coup, c'est un peu ça qui émerge en termes de revendications centrales et qui regrouperait de façon consensuelle radio, tout radio, le monde. Donc voilà. Après, il y a bien sûr des ateliers sur toutes les questions de la société, notamment du racisme, du sexisme, de l'homophobie, mais aussi quel projet de société on pourrait élaborer, notamment avec un atelier constituante. Mais ça, voilà, c'est pas encore des trucs tranchés par tout le monde, et on est tous d'accord entre nous sur ça, quoi. Il faut faire gaffe parce qu'ici aussi, ils veulent écrire une constitution. On va se retrouver avec 25 constitutions, on ne va pas savoir. Eh oui, voilà. Bon, mais Com, merci beaucoup pour ces échos de Toulouse. On reviendra vers toi dans les jours qui viennent pour que tu nous racontes comment les choses évoluent et comment la mobilisation se poursuit. Nous, pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir. Vous êtes debout, vous écoutez Radio Debout. Radio Debout, nous sommes debout, la radio, mais debout. La radio debout, mais il n'y a pas que la radio debout, il y a aussi la biblio debout. Et d'ailleurs, la biblio debout fait un appel pour dimanche 1er mai. Elle cherche, c'est une scène ouverte, elle propose une scène ouverte pour venir déclamer des poèmes. Et ce sera à partir de 17h ici, place de la République. C'est la biblio debout. On peut le voir régulièrement à partir de 17h, 18h. On peut entendre des poèmes qui sont déclamés au mégaphone. 1er mai, ici, place de la République, poésie debout. On va écouter un petit peu d'AG, et puis après on va parler du collectif des 39, on va parler de la question de la psychiatrie. Les travailleurs sont capables de rester unis, quelle que soit la couleur du vêtement de travail. Et nous, ce qu'on vous demande, c'est que pour amplifier ce mouvement, c'est de donner encore plus de force à vos collègues qui sont précaires, ceux qui sont précaires dans les entreprises, pas seulement les intérimaires, les CDD, les contrats de chantier, y compris les travailleurs étrangers qui sont les plus exploités de tous. Ces travailleurs détachés qui font venir de Pologne, de Roumanie, du Portugal, d'Espagne, qui les font travailler 60 heures par semaine. C'est ça qu'ils veulent faire en France. Le gouvernement et le patronat, le MEDEF. Le MEDEF, il veut construire avec le patronat la fin des droits sociaux. Et ça commence par cette dictature qui consiste à faire travailler les salariés plus de 60 heures par semaine, comme le prévoit la loi travail de El Khomri. Et nous, il faut qu'on se batte contre ça. Il faut qu'on se batte contre ça, parce que sinon, si on vraiment, les amis, les camarades, si on ne prend pas conscience que l'unité, à la base, sur le terrain, sur les places, dans les villes, dans les villages, dans les entreprises, qu'on soit chômeur, qu'on soit intérimaire, qu'on soit salarié en CDI, si on n'arrive pas à s'unir avec les étudiants, avec les lycéens, on ne gagnera pas. Donc cette construction, elle est en marche. Et la CGT, elle est engagée dans cette construction-là. Et c'est très difficile, je vous dis, parce que la dictature, elle existe dans l'entreprise, comme l'a dit Philippe tout à l'heure. C'est une dictature, une répression féroce. Et un militant syndical qui bat, des militants syndicaux qui en bavent. Et pas seulement de la CGT, bien sûr. Tout militant syndical qui ose relever la tête et qui ose assumer pleinement son mandat et qui ne s'aligne pas à la politique des tauliers. Donc, aujourd'hui, pour terminer, je tiens à saluer la lutte menée par les intermittents du spectacle et la bagarre qu'ils ont gagnée ce matin avec cette victoire. Ce n'est qu'une nouvelle brèche dans la stratégie patronale. Et pour élargir cette brèche, on compte sur vous tous, camarades et amis. Allez, on y continue, on y va. Et voilà, on va écouter un reportage qui nous vient de Clermont-Ferrand. On va écouter Yves, c'est un chômeur très vénère. On va l'entendre. Ah, on l'a pas. Si, si, il va venir. Il arrive. Je suis là aujourd'hui parce que il y a une loi qui s'appelle la loi travail qui est en train de précariser encore un peu plus le travail et la société. Et nous, à Chômaïtif, on se bat contre le chômage et la précarité de l'emploi. Ces manifestations parmi d'autres, hein, le mouvement social a commencé il y avait déjà au moins un mois. On fait tout pour qu'il se poursuive. Et puis dans ce mouvement, c'est intéressant parce qu'il y a plein aussi de jeunes qui sont en train de se mobiliser et qui se mobilisent sur des problèmes politiques, politiques au sens grand P, hein, c'est-à-dire au sens de l'organisation de la société. Et je trouve ça très intéressant, surtout de nos jours, où il y avait plutôt un certain abattement, on a l'impression que les gens ne se battaient plus, ne croyaient plus à grand-chose, si ce n'est faire de l'argent, si ce n'est se complaire dans une société de marchandisation. Bon, c'est pour ça que je trouve très intéressant ce genre de mouvement. Après, ce mouvement, il n'est pas né par hasard, encore une fois, il est né parce que le gouvernement est en train de nous pondre une loi qui est une loi complètement absurde. Absurde quand déjà il y a 6,5 millions de chômeurs en France, des millions de citoyens qui vivent dans la précarité, précarité de l'emploi, précarité des revenus. C'est absurde de faire une loi qui va encore augmenter la précarité de l'emploi et la précarité de la société. Il faudrait aller complètement à contre-courant de ça. Ils font que nous pondre des lois qui confortent un système économique et social actuel qui est un système fou. Un système, en fait, où certains s'en mettent plein les poches. Ils vont même investir dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, j'ai appris que pratiquement la moitié du PIB mondial correspond à des masses d'argent qui sont placées dans les paradis fiscaux. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que ça veut dire que si aujourd'hui on récupérait cet argent, on pourrait transformer le monde. Le monde pour faire du bonheur intérieur brut et non pas du produit intérieur brut. Ce qu'on veut, c'est que les gens aient du bonheur. Les gens, ils veulent du bonheur. C'est pas qu'on veut, c'est que les gens veulent être heureux. On peut être heureux aujourd'hui avec l'argent qu'on a. Il suffit de le reprendre où il est, de le partager davantage pour que tout le monde ait un emploi, une activité, ait un revenu et une dignité. Ce sera déjà énorme. depuis 30 ans à Chomaïtif, on rêve, mais on rêve pas seulement. Tous les jours, on a des gens qui viennent nous voir, qui sont dans le besoin, dans la précarité, des fois la pauvreté extrême, et qu'on essaye de sortir de leur situation, et on y arrive. Pas toujours, mais on y arrive. Donc on est à la fois dans le rêve, mais aussi dans le concret des choses au quotidien. Et on s'est battu depuis 30 ans à Chomaïtif. Je vais donner un exemple très simple, deux exemples. On est arrivé, Lutte, à gagner aujourd'hui un prix de ticket des transports en commun sur agglomération à 20% du ticket normal. On est arrivé également à gagner un ticket tarifaire pour les TER, pareil, à 20% du prix normal. Tout ça par la lutte, par les rapports de force. Voilà, donc j'y crois. Je crois qu'il n'y a que ça. Au début du siècle dernier, les gens ne seraient pas battus. On en serait encore à des journées de 12 heures. On en serait encore à des gamins de 12 ans qui travaillent dans les mines. On s'est battus, des gens comme nous se sont battus. Des gens anciens se sont battus. Ils ont payé même de leur vie. Toute l'histoire est jalonnée de lutte sociale et en même temps de progrès. Donc il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quel progrès. Mais aujourd'hui, la société, elle est confrontée à un double risque. À un risque d'éclatement social. Tellement il y a disparité de plus en plus grande entre une minorité de nantis, on dit 1% de nantis, qui détiennent pratiquement une grande partie des revenus, alors qu'il y a 99% qui n'en profitent pas. Donc une disparité de plus en plus grande entre minorité de nantis et les autres, et en même temps on est confronté à un problème écologique qui est énorme, qui un jour malheureusement va détruire l'être humain, parce qu'on n'avance pas assez vite dans ce qu'il faudrait faire. Donc déjà, à ces deux niveaux, il faut qu'on se batte plus que jamais pour pouvoir sortir de la crise dans laquelle on est aujourd'hui et avancer vers des solutions qui apportent du bonheur aux gens. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Get up, get on up. Radio Campus Clermont 93.3. Ah, et là, t'as toute la liste. Allez, on retourne. Réveillez-vous. Radio Debout. Radio Debout, effectivement. Vous êtes toujours debout, place de la République. Mais là, on va faire un tour à Grenoble pour comprendre un peu ce qui se passe à Grenoble, avoir des nouvelles de la manifestation qui est à Grenoble. Et on est au téléphone avec Michel. Salut, Michel. Michel, est-ce que tu m'entends? Michel a disparu une fois. Michel, tu es là? Tu n'es pas là, Michel? Bon, bah, on essaiera de retrouver Michel tout à l'heure. Là, on est avec, Clément et Mathieu. On va prendre des nouvelles. Bonsoir. Des hôpitaux. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va prendre des nouvelles des hôpitaux, on va prendre des nouvelles de la psychiatrie. Il y a dans le cortège, on a pu voir Folie Debout. À la folie. À la folie, exactement. Il y a aussi le mouvement Hôpitaux Debout. Alors vous? Vous étiez dans la manifestation, je crois que je vous ai croisé, Mathieu, je t'ai croisé justement dans ce cortège à la folie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la psychiatrie? Pourquoi vous êtes là, Mathieu, Clément? Alors en gros, il y a différentes choses. D'une part, en fait, en psychiatrie en ce moment, il y a la loi santé qui prévoit dans son projet de mettre en place les GHT, donc groupements hospitaliers territoires. Qui prédestine la psychiatrie à être incorporée par l'hôpital général, et donc dans une perspective d'une psychiatrie qui serait purement médicale, avec une idée d'avoir des centres psychiatriques experts qui n'auraient pour mission que de diagnostiquer, de donner des traitements et puis éventuellement d'orienter sur autre chose, mais l'autre chose ce serait en dehors du service public. Donc c'est le taylorisme qui rentre à l'hôpital? En quelque sorte, ouais. Donc, uniquement orienté du côté du médicament? Alors ça profile plutôt à ça, c'est-à-dire que pour l'instant c'est assez difficile de pouvoir organiser des luttes en ayant en conscience tout ce qui se passe, parce que moi par exemple je travaille pour l'hôpital Maison Blanche en pédopsychiatrie, et on a on a du mal à avoir des informations parce qu'on a affaire à des gestionnaires, l'ARS, l'HAS, donc Agence Régionale de Santé, Haute Autorité de Santé, qui ont un espèce de pseudo-discours progressiste qui reprennent des choses comme par exemple recommandations de bonnes pratiques, mettre les usagers au centre du dispositif de soins, qui sont des choses que voilà, personne pourrait dire bah non, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais ce qui est sous-tendu derrière, c'est que en fait, les orientations qui sont même plus cliniques en fait, c'est des orientations gestionnaires, sont décidées par le haut et les pratiques dans les institutions, les pratiques soignantes cliniques ne sont plus du tout prises en compte, il n'y a plus du tout d'écoute à ce niveau-là et en gros les soignants sont un peu dépossédés de leur métier. Alors justement un petit mot sur les soignants, est-ce que dans le cortège il y avait des soignants dans le cortège aujourd'hui Mathieu ? Alors moi ce que j'aimerais dire c'est qu'il y avait des citoyens, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la question de la psychiatrie de la santé en général soit portée par l'ensemble de la société et pas juste par des corporations, parce que justement je crois que ce qui est très problématique c'est qu'on se limite soit à des luttes syndicales soit à des luttes corporatistes et il s'agit vraiment de savoir tous ensemble ce qu'on veut comme santé, comme dispositif, en sachant que les dispositifs à l'heure actuelle sont conçus pour répondre au fond à des questions prévues par avance et à des problèmes prévus par avance, alors que les dispositifs, on devrait les penser en fonction de ce que les gens ont réellement besoin. Mais pourquoi ce qui arrive à la psychiatrie concerne tout le monde ? Alors, ce qui arrive à la psychiatrie concerne tout le monde pour deux choses. La première chose, c'est que au fond, la psychiatrie, c'est la question des marges, c'est la question de la déviance, c'est la question des gens qui sont le plus en précarité. Là, il s'agit de la précarité psychique, c'est souvent mêlé à de la précarité sociale, etc. Et je crois que prendre soin de ceux qui sont les plus démunis, ceux qui sont les plus fragiles, nous concerne en premier chef. Et d'ailleurs, on devrait d'ailleurs construire l'ensemble de la société à partir des gens qui sont les plus fragiles. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on veut comme accueil des gens. Alors ça, pour chaque personne qui a déjà été à l'hôpital se faire soigner, on voit bien que de plus en plus, on est moins bien accueilli, voire on n'est pas accueilli du tout, voire on est traité comme des pathologies, comme des problèmes à traiter, et on n'est pas traité comme des personnes humaines. Bon. Du coup, la psychiatrie, elle cristallise et elle condense toutes ces problématiques-là parce que c'est des gens qui sont la plupart du temps à la marge. Et quand je dis gens, je parle autant des patients, usagers, vous employez le mot que vous voulez, mais que les soignants, que les familles, etc. Et je crois que prendre ce problème comme un problème qui concerne absolument tout le monde, c'est une des premières réponses. Et l'autre chose, c'est que la psychiatrie, elle est aussi la condensation d'un problème par rapport à ce qu'on peut appeler pompeusement le néolibéralisme, à savoir qu'il y a une bascule entre la psychiatrie et la santé mentale. Et vous savez qu'en 2005, il y a un rapport de l'Union européenne qui dit « Avoir une population en bonne santé mentale permettra de remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne ». Donc, bon, la messe est dite, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, une petite définition, la santé mentale, c'est s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Donc j'espère qu'on est tous là pour ne pas s'adapter à une situation qui nous est présentée comme inchangeable. Voilà pourquoi ça concerne à peu près tout le monde. Donc le TINA, c'est-à-dire c'est régional, l'alternative, il n'y a pas l'alternative. Cela veut dire en fait que tout le monde doit s'adapter. Et quoi ? Ça veut dire qu'on donnera des médicaments pour que les gens s'adaptent à la situation ? Soit qu'on donnera des médicaments, soit qu'on créera des dispositifs. Alors l'autre jour, on parlait à Radio Debout, là, des tickets psy. Vous savez ce que c'est, ça, ou pas ? Non, racontez. Alors, vous connaissez les tickets resto ? Tickets resto, bon, c'est l'employeur qui paye un petit peu à manger. Bon, les tickets psy, c'est si on repère, par exemple, que vous mangez un peu seul à la cantine, que vous êtes un peu irascible, que vous vous isolez, tout d'un coup, le DRH va se dire « Ah, il est à risque de se suicider. Il a un risque psychosocial. » Et donc, à ce moment-là, on va mettre en place un dispositif qui va être de dire « Comme il est à risque de se suicider, je vais lui payer, moi, l'employeur, 20 séances de psy, c'est-à-dire ticket psy, pris en charge par l'employeur, à la 21e séance. Soit s'il n'a pas le fric, soit s'il se suicide, bah, c'est de sa faute, parce qu'il aurait dû continuer de lui-même les choses. Donc vous voyez, ces dispositifs, au fond, ils sont là pour dédouaner les employeurs, et en général, on peut dire les gouvernants, etc., de la responsabilité collective des problèmes. Par ailleurs, dans ce qu'on appelle le manuel statistique et diagnostique, le DSM, là, on en a beaucoup entendu, le DSM-5, maintenant on en a beaucoup entendu parler, vous avez tout le temps une individualisation des problèmes généraux. Par exemple, il est dit qu'il y a une maladie professionnelle qui s'appelle le burn-out. Vous voyez, vous êtes sensible, vous êtes vulnérable au travail. Jamais on va parler au fond des troubles du management. Par exemple, le fait que le management lui-même provoque un certain nombre de choses très compliquées. Non, on va cibler sur la personne, on va dire c'est la personne qui est vulnérable. Du coup, quand la personne va se suicider au travail, on va lui faire des autopsies psychologiques. Mais on ne va pas remettre en question le système entier qui a conduit à des choses. Mais Mathieu, tout ça ne fonctionne que si les médecins jouent le jeu. C'est de la responsabilité des médecins, là, cette fois-ci. C'est à eux de décider ou pas s'ils jouent le jeu du DSN et compagnie. Oui, d'accord. Sauf que les risques psychosociaux, ce n'est pas de la responsabilité des médecins. Je veux dire, tout le monde, les syndicats, etc., a promu les risques psychosociaux comme étant une entité dans laquelle on allait pouvoir lutter soi-disant socialement, mais qui était en fait un dispositif et des mots pour accepter au fond un cadre de pensée et de pratique qui nous oriente juste vers l'individu. Tu veux dire que les syndicats se sont engouffrés dans cette brèche là des risques psychosociaux? Bien entendu, mais les syndicats, ils sont aussi à la mesure de ce qui traverse toute la société. Je veux dire, quand on entend à longueur de télé, de pub, qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour pas avoir le cancer, celui qui en mange que 4, demain il est pris d'une angoisse irrémédiable en se disant je vais avoir un cancer dès demain. Et si vous voulez, cette stratégie-là, elle traverse tout. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait suffisamment de sport pour faire valoir votre santé mentale, si vous n'avez pas valorisé vos capitaux, votre capital santé mentale, votre capital santé, votre capital soleil, si vous arrive un problème, c'est de votre faute. Et ça, tout le monde est peu ou prou traversé par ces normes. Et je crois qu'il ne s'agit pas de dire c'est de la faute de tel ou tel. Il s'agit de penser au niveau de la société. Quel autre imaginaire on peut réinstituer tous ensemble? Mais ce que tu dis là, c'est intéressant parce que du coup je le relie à la question de l'autocensure. Par exemple, la manière dont on va s'autocensurer quant à nos comportements ou même quant à ce qu'on dit, au risque justement de paraître comme anormal et donc au risque de d'une certaine manière d'être identifié. Est-ce qu'il n'y a pas là un couplage entre des formes d'autocensure ou des formes de régulation, d'autorégulation de notre propre comportement? Justement par rapport à tous ces enjeux d'identification d'un comportement dit anormal sur lequel ensuite on va pouvoir l'isoler et d'une certaine manière l'envoyer chez le médecin ou en tout cas une prise en charge individuelle. Oui et non, parce qu'il y a aussi une hyper-valorisation d'un certain nombre de problèmes. Par exemple, ça peut faire chic de dire qu'on a tel ou tel problème de santé. Ça peut faire chic de se faire passer pour une victime aussi, de dire je suis victime de telle chose, voilà. Donc, je n'aurais pas une réponse simple et univoque à cette question. Que je suis assez frappé de la manière dont, par exemple, certains discours aujourd'hui sont compliqués, notamment au regard de la question de la violence, par exemple. À certains actes, aujourd'hui, il y a des actes qui paraissent impossibles, alors que, je ne sais pas, peut-être il y a 30 ou 40 ans, ces actes-là étaient plus simples. On sent qu'aujourd'hui, on est comme bridé un petit peu. Même aujourd'hui, sur la place de la République, et d'une manière générale, on le voit, les manifestations paraissent comme bridées. Est-ce que ce bridage-là, est-ce que cette retenue, d'une certaine manière, a à voir avec cette normalisation des comportements sur lequel aussi, d'une certaine manière, les directives européennes ou cette société policière jouent un rôle comme ça de normalisation des comportements? Qu'on soit bridé, qu'il y ait de l'autocensure, je suis d'accord, mais la question, je pense, qui nous traverse tous, c'est à quel point on est cloisonné. On voit bien, là, dans ce qui se passe ici, on a du mal quand même à discuter ensemble, à se disputer dans un cadre à peu près serein. Je crois que c'est ça qu'il s'agit de mettre en question, déjà. Après, le fait d'être... de s'auto-censurer, bon, j'aurais envie de dire de manière un peu provocatrice, on s'auto-censure tous un peu pour vivre ensemble, quoi. C'est-à-dire que, bon, on va pas revenir à Freud et à la pulsionnalité, bon, d'accord, mais je crois que il faut pouvoir s'auto-censurer pour pouvoir vivre ensemble. Mais par contre, quand on nous dit ce qu'il faut faire et qu'il y ait des normes comme ça qui nous soient imposées de l'extérieur de manière autoritaire, sans que ce soit dit autoritaire, c'est là le problème. Alors je prendrai juste un exemple de ça. Dans tous les rapports là, de l'Union européenne sur les questions de santé mentale, etc., à chaque fois, il est dit ce que c'est qu'une vie réussie. C'est-à-dire que les politiques, les gouvernants, les experts vont dire ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que la qualité de la vie, ce que c'est qu'une vie réussie. Et je crois que là, il y a un énorme problème. C'est-à-dire que ces normes, quand elles sont énoncées de l'extérieur, elles empêchent quand même pas mal les gens de découvrir ce que c'est pour eux de au moins limiter le malheur. C'est-à-dire que je crois qu'au niveau, au moment de la Révolution française, les gens avaient pour idée la poursuite du bonheur. On ne leur disait pas ce que c'était que le bonheur. Or là, par exemple, vous avez un rapport qui s'appelle la santé mentale, l'affaire de tous. On vous dit ce que c'est que la santé mentale positive, ce que c'est que de maîtriser sa vie, ce que c'est que de pouvoir s'adapter sereinement aux normes du temps présent. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est-à-dire que il faut pas imposer aux gens d'une manière, en plus qui s'impose jamais comme étant franche et véhémente, ça s'impose toujours d'une manière très, très trouble, très douce. On est là pour votre qualité de vie, messieurs, dames. On est là pour votre bien-être, on est là pour votre bonheur. Et donc il faut absolument toujours penser qu'est-ce qu'on peut s'inventer à soi-même. Et d'ailleurs, là, ça rejoint une question qui se pose tout le temps, que ce soit dans le domaine de la psychiatrie ou que ce soit dans le domaine de la santé ou de la vie en général, c'est comment on peut faire une expérience de choses qui nous arrivent. Et par exemple, en psychiatrie, souvent, on nous dit pas, on nous dit voilà, les maladies sont chroniques, on ne peut pas en guérir. Mais qu'est-ce que c'est que la guérison ? Ça se trouve, la guérison, c'est faire l'expérience de la maladie, c'est faire qu'on puisse changer soi-même, mais aussi changer le monde, le milieu dans lequel on est. Il y a cette dialectique, mais on oublie souvent de changer de milieu. On est peut-être un peu malade en ce moment. Ouais, sûrement. Ouais, mais j'aimerais pas trop psychologiser. Et la société nous-mêmes. On va aller faire un tour à Grenoble. Peut-être que cette fois-ci, on a réussi à rétablir le contact avec Michel. Je ne sais pas si Michel m'entend. Michel ? Est-ce que tu m'entends, Michel ? Alors, Michel... Oui, tu peux parler, Michel, un petit peu ? Oui, c'est bon. Ouais, super. Est-ce que tu peux nous raconter à Grenoble comment s'est passée la manifestation ? Alors, c'était une belle journée de boue, donc déjà c'était super. Alors concernant Nuit debout, il y a eu un cortège qui est parti donc à 9h du matin. La manif chez nous était à 10h, départ de la gare, où toutes les organisations se retrouvaient. En fait, il y a eu un cortège Nuit debout qui partait de la MC2, donc de la Maison de la Culture de Grenoble où on est. Qui a rejoint la manifestation le matin. Alors bon, ce qui a été un peu original, c'est que il y a eu sur le parcours les flics qui ont exigé de contrôler tout le monde et de fouiller pour être sûr que les gens n'avaient pas des choses sur eux, parce qu'en fait le 31 il y avait eu des événements le matin avec des gens qui avaient défoncé des vitrines de banque, tout ça, donc ils ont tout fait pour que ça se reproduise pas. Et du coup, il y avait une personne qui n'avait pas de papier, qui est en fait du cortège, qui a été embarquée par les flics. Bon, ça commençait bien le matin. Et puis, quand on est arrivé à la gare, il y a eu un nouvel incident avec les flics qui ont extrait des caddies avec du matériel, mais c'était essentiellement des œufs, des choses comme ça, pour jeter des œufs pendant le cortège, donc il n'y avait rien de très grave. Et ça a failli dégénérer dès le matin à 10h. Ensuite, la manif s'est bien passée. Il y a eu à peu près 12 000 personnes, des chiffres que j'ai entendus, donc c'est un petit peu moins que les manifestations précédentes. Il y a eu sur le cortège une partie des courants autonomes qui ont détourné un peu la manif sur la fin pour essayer de manifester en ville. Bon, ça s'est fini un peu en friction avec les CRS dans le centre-ville, mais il n'y a pas eu de problème majeur. Donc après, tout le monde est revenu à la place de Verdun, qui était la place devant la préfecture où je terminais la manif. Et puis ensuite, une heure après, il y a eu un deuxième cortège qui est revenu donc à la MC2, là où il y a le campement Nuit debout. Et bon, là, ensuite, ce qui était prévu, et ça a été un peu une première à Grenoble, puisque était prévu donc un débat sur la loi El Khomri en début d'après-midi, avec des interventions des organisations syndicales. Et donc la première à Grenoble, c'est que donc le camion de la CGT est venu avec nous tous. La première fois, il n'y avait que Solidaires, mais là, il y avait aussi donc la CGT qui a sonorisé le débat, participé au débat, et donc c'était très sympa, très positif. Denis. Donc avec un débat en début d'après-midi sur la loi travail, et puis là, ce soir, en fin de journée... un débat sur la convergence des luttes, et pareil avec... les organisations syndicales, Nuit Debout, et puis tout le monde qui a participé au débat, qui était très positif. Michel, voilà. À côté de toi, je crois qu'il y a Denis, je pense qu'il est toujours à côté de toi. Denis. Ah voilà, donc Denis, parce qu'il y a aussi à Grenoble... C'est Denis qui va te raconter aussi donc, l'occupation voilà. De, à Grenoble, il y a de la maison de la culture, je te le passe tout de suite. À Grenoble, il y a l'occupation de voilà. Bonjour Denis. Donc à Grenoble, il y a l'occupation aujourd'hui de la Maison de la Culture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette occupation depuis combien de temps ce théâtre est occupé? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que des assemblées peuvent s'y tenir? Ou est-ce que vous occupez un théâtre fermé, barricadé par les CRS? Non, nous, l'occupation de la MC2, elle s'est faite dans la logique de la suite de la manif. On est tous venus ici se rassembler à 15h la Nuit Debout, parce que ce qui est pratique à Grenoble, c'est que la Nuit Debout est juste devant la MC2, sur le parvis. Donc c'était pas très très loin pour nous de rentrer dans la MC2, on y rentrait comme des spectateurs lambda. Et puis à la petite vingtaine d'intermittents qu'on était, on a ensuite déclaré qu'on n'était pas venu chercher des billets, mais occuper pacifiquement, hein, bien sûr, la MC2. Notre objectif n'était pas du tout d'empêcher que quoi que ce soit s'y déroule. Notre objectif est de rejoindre le mouvement national d'occupation de scène nationale, comme l'Odéon à Paris, comme nos copains de Lille, de Strasbourg ou d'ailleurs. Parce que pour nous, ces scènes, on est un peu chez nous. Il faut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, que la MC2 a une grande banderole sur une de ses façades qui dit « La MC2 soutient les intermittents ». Que quand vous rentrez dans la MC2, dans le hall, il y a un mur entier qui raconte la lutte des intermittents. Donc on n'est pas venu en milieu hostile. À ce propos, Jean-Claude Angot, le directeur, qui vous a vu, nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Votre place est au MEDEF. Votre ennemi, c'est pas nous, votre ennemi, c'est le MEDEF. Ne venez pas nous occuper, nous, allez occuper le MEDEF. Mais bon, ceci dit, tout de suite, il a été, comme d'habitude, je dirais, avec les intermittents très, très ouverts. On a pu faire une prise de parole devant le premier spectacle et le deuxième spectacle dans la grande salle qui avait plus de 1000 personnes sur place, donc un public de plus de 1000 personnes. Demain soir, il y a 2000 personnes qui viennent voir le spectacle. Donc pour nous, c'est vraiment ça, l'effet caisse de résonance, parler de notre lutte à un public nombreux. Et c'est que dans les scènes nationales qu'on rencontre un tel public. En plus, c'est le public de la culture et qui est sensible à nos messages. Okay, et donc on est là. Non, une petite dizaine à dormir cette nuit, c'est peut-être ma voix résonne un peu parce que le hall est désert. Et puis on va reconduire cette occupation autant que le faire se peut, parce que notre objectif c'est quoi? C'est que c'est de faire entendre très haut et très fort, le plus loin possible, qu'on souhaite que le MEDEF et la CFDT, pour pas les nommer, signent l'accord historique qui est intervenu cette nuit dans le milieu de la culture et notamment les intermittents. Eh ben écoute, on va rester évidemment, alertes, en contact avec tous les théâtres qui sont occupés évidemment en France. Il y aura sans doute de nouvelles occupations encore demain. Je rappelle que le théâtre de l'Odéon a été évacué aujourd'hui. Voilà, donc peut-être qu'il y aura de nouvelles occupations à partir de demain ou peut-être même à partir de ce soir. On reviendra évidemment à Grenoble, mais aussi à Lyon ou à Lille, tout au long des différentes émissions de Radio Debout, ce soir peut-être, et puis demain et encore après-demain. Merci beaucoup, Denis, et puis bonne nuit dans ce théâtre. Merci beaucoup. Salut, nous on fait nuit couchée à la MC2. Et nous on reste debout avec Mathieu et puis avec Clément des hôpitaux debout. Alors bah, justement, juste pour toucher deux mots là-dessus, c'est vrai que alors nous on est avec Hôpitaux Debout, on est Hôpitaux Debout, mais on a aussi envie de... Il y a ce combat autour de la loi santé, autour de la loi Touraine, qui pour nous participe d'une même logique que le projet de loi travail, voilà, clairement dans une déviance néolibérale, bon voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Mais on a aussi envie que à Nuit Debout, il y ait la possibilité d'avoir un débat de fond, de base sur la psychiatrie. Enfin, et que ça n'existe pas aujourd'hui, il n'y a pas la place. Alors il y a des places, mais c'est des places qui sont... voilà, moi je suis un jeune, je suis éducateur, je travaille depuis un an et demi en pédopsychiatrie. J'ai été formé beaucoup plus dans différents lieux de transmission, des séminaires gratuits. Voilà, j'étais à Utopie, j'étais au séminaire de la Criée à Reims, au Centre Artaud. Je me suis fait un petit peu mon parcours en dehors du circuit de l'Institut Régional de Travailleurs Sociaux, et j'ai appris énormément de choses par ce biais-là. Mais ça reste quand même dans un environnement assez de gens déjà intéressés par ces questions-là. Qu'est-ce que c'est qu'Utopie, Mathieu ? Alors, Utopie, c'est une association qu'on a créée qui essaye d'articuler clinique et politique, c'est-à-dire penser politiquement notre travail, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout un courant en ce moment de la psychiatrie qui est très organiciste et qui dit non, la psychiatrie, c'est une maladie comme les autres, il n'y a pas du tout de problèmes politiques ou sociaux qui se posent. Bon. Moi, je voudrais quand même faire le lien avec ce qui nous réunit là, et je pense qu'il faudrait condenser encore plus cette question autour du travail, parce que je crois qu'elle peut réunir, et elle réunit énormément de gens. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau de la restructuration des normes, de la hiérarchie des normes dans le travail, bien entendu qu'elle nous concerne en premier lieu aussi à l'hôpital, dans nos structures sociales, sanitaires, etc. Et en fait, on voit que la dégradation des conditions de travail, bien entendu, elle a pour effet de faire qu'on exclue de plus en plus les gens qui en ont le plus besoin, à savoir les patients, leurs familles, etc. Et je crois qu'il est extrêmement important qu'on se mobilise par rapport à la loi travail. Mais nous, en fait, dans le domaine de la santé, on a déjà, au fond, une loi qui est passée en janvier. Alors, elle a été... Il y a eu plein de débats, etc. Mais bon, comme d'habitude, ce sont des faux débats, puisque les réponses sont quasiment écrites par avance. Et donc, la loi de santé est passée, et elle doit s'appliquer de manière autoritaire, notamment dans les hôpitaux publics, dès le 1er juillet 2016. Alors, il faut dire quand même qu'il y a de plus en plus, là, depuis qu'il y a la Nuit debout, qu'il y a tout un tas de mobilisation. Là, on en est par exemple à 15 hôpitaux psychiatriques qui se sont mis en porte-à-faux par rapport à l'application de cette loi. Alors cette loi, elle est simple. Elle nous dit on va fluidifier le parcours des patients, on va mutualiser les moyens, etc. Bien entendu, c'est fait pour supprimer des services, pour supprimer de plus en plus de postes, et puis pour, sous prétexte d'augmenter la proximité, l'accès aux soins, pour le réduire de plus en plus et pour ouvrir un boulevard au privé. Mais alors, dans nos métiers, par exemple, spécifiquement en psychiatrie, on a besoin de temps pour soigner les gens. Des gens qui sont atteints de problématiques psychotiques, par exemple, ont besoin d'énormément de temps au contact de soignants qu'ils connaissent et avec qui ils peuvent créer une histoire de vie. Ils ont besoin de temps. Or, là, ce qui nous est proposé comme modalité de soins, ce sont des soins de courte durée qui sont au bout de 6 mois, ça y est, vous êtes supposé être guéri. Si vous n'êtes pas guéri, soit vous allez dans des dispositifs de réadaptation, soit pour les personnes les plus graves, elles finissent à la rue, en prison, ou alors de manière plus manifeste, elles disparaissent. C'est-à-dire que c'est des gens dont on n'entend plus parler. Alors, il suffit de se balader à Gare du Nord, voilà, ou Place de la République, à Gare du Nord, en tout cas, c'est l'exemple clé. Vous avez énormément de gens en errance qui sont là, qui sont devenus des invisibles parce que les dispositifs ne s'adaptent plus à eux. Et on leur demande à ces personnes de s'adapter à des dispositifs qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il leur faudrait, quoi. Concrètement, ça veut dire quoi, se mettre en porte-à-faux, ces hôpitaux, là, ces hôpitaux qui se mettent en porte-à-faux? C'est-à-dire, concrètement, ils sont en désobéissance? Alors, concrètement, non. Là, pour le moment, ils ne sont pas encore en désobéissance. Là, il y a une question tactique, c'est-à-dire, premièrement, de refuser l'application, parce que, si vous voulez, c'est quand même très centralisé, très hiérarchisé. Le ministère de la Santé dit aux agences régionales de santé un certain nombre de choses, qu'il faut que tel hôpital fusionne avec tel hôpital, etc. Et du coup, même les directeurs d'hôpitaux n'ont plus de marge de manœuvre dans comment penser une certaine autonomie de gestion. Bon. Du coup, la première des choses, c'est de dire on refuse l'application de la loi comme ça. Le deuxième mouvement qu'on a un peu raté au moment de la discussion de la loi, c'est de refuser le cadre général. Donc il faudrait un mouvement social qui refuse ce cadre général-là, qui va absolument déliter les soins et l'accompagnement et tout ce que vous voulez, hein, c'est les soins de manière générale, dans tous les domaines de nos vies. Donc on a ce travail-là à faire alors que la loi est passée. Mais bon, les lois passent, mais on peut tout défaire. Un petit mot peut-être avant de nous quitter sur le pouvoir, enfin la puissance et la présence de plus en plus forte des neurosciences. Ça, j'aimerais qu'on puisse en parler parce qu'il faut pouvoir en parler. Ce pouvoir des neurosciences aussi, les moyens dont disposent les neurosciences, le fait aussi que le gouvernement met de plus en plus de crédit de ce côté-là. Quelques mots là-dessus ? Bah écoutez, en fait, Il y a une nouvelle mode de gouvernementalité, on pourrait dire, qui est de gouverner par le cerveau. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est dans le cerveau des individus que se situent les problèmes. C'est-à-dire qu'on va les naturaliser, les essentialiser, et on va créer des dispositifs à partir de cette naturalisation. Mais vous avez de plus en plus de gens qui pensent que c'est le cerveau, l'organe sur lequel on va pouvoir intervenir. Par exemple, il y a tout un tas de disciplines qui se sont développées depuis des années. Par exemple, vous avez la neuroéconomie, vous avez les neurolois, la neurohistoire, etc. Et ça, ça a pour effet que ça dépossède et ça réarticule autrement les champs de lutte. C'est-à-dire que si la lutte, elle se situe au niveau du cerveau, bah, les mouvements sociaux ne servent à rien, puisque les mouvements sociaux sont assimilés, au fond, à des mouvements cérébraux. D'ailleurs, pour une petite histoire, la neuroéconomie, elle pense le marché comme le cerveau, et du coup, on va pouvoir découvrir les propriétés du cerveau en se penchant sur comment fonctionnent les marchés. Enfin, vous voyez, donc ça va structurer d'une certaine façon la connaissance et ce savoir là, neuroscientifique. Bon, certes, on nous dit qu'il y a des progrès, mais juste pour la petite histoire, au niveau des pratiques concrètes dans le domaine psychiatrique, etc., il n'y a eu aucun progrès apporté par les neurosciences depuis 50-60 ans. L'imagerie cérébrale, il faut voir l'usage de toutes les études. C'est-à-dire, par exemple, on nous dit, il y a des rats schizophrènes, on peut voir ça dans le cerveau des rats schizophrènes, ça pose de problème à personne. Qu'est-ce que c'est qu'un rat schizophrène ? Qu'est-ce que c'est qu'un rat autiste ? Etc. Bon, donc vous voyez, ça va structurer, mais on va même plus se poser la question de comment le savoir est produit et comment il s'articule sur des dispositifs et de pouvoir et de contrôle, etc. Donc, si vous voulez, les neurosciences, c'est un problème dans la façon dont ils s'agencent en ce moment à l'ensemble de la société. Et l'autre problème, c'est que par exemple, maintenant, la source d'émancipation se fait par la communauté. Par exemple, vous avez des gens qui vont se dire, c'est notamment le cas des autistes, ils vont se dire, nous, on est des neurodivers parce qu'on s'est identifié à notre diagnostic médical. C'est-à-dire qu'ils collent au diagnostic. Collent au diagnostic, et le fait d'avoir un diagnostic, on va pouvoir s'émanciper, comme les luttes qu'il y a eu pour les homosexuels, pour les noirs, etc. On va s'émanciper par cette identification communautaire. Ça pose quand même un problème politique sérieux, à savoir qu'est-ce qu'on fait de cette pluralité qui nous traverse tout le temps, en permanence, et de s'identifier de manière univoque à son cerveau, à sa couleur de peau, à je sais pas quoi, ça pose quand même un sérieux problème de qu'est-ce que c'est que la démocratie et comment on pense ensemble les choses et comment on construit une société ensemble, quoi, oui. Au-delà de la communauté. Et pourquoi ? Oui, Clément ? Il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est dans le DSM-5, il me semble, je ne pense pas qu'il était déjà présent dans l'ancien DSM, c'est le trouble de l'opposition et de la provocation. Voilà, le trouble de l'opposition et de la provocation qui peut faire quand même penser à ce qui se passait au 19e siècle, hein, quand on mettait des révolutionnaires qu'on enfermait en asile, etc. On est quand même dans des retours comme ça, sous couvert de progrès scientifiques, de neurosciences. Et un autre petit exemple qui est rigolo, une anecdote, c'est des chercheurs, donc des neurologues, qui pour se moquer un petit peu d'eux-mêmes, ont fait une recherche à partir de saumons morts. Donc ils ont mis des saumons morts dans une machine IRM, ils ont projeté des images de faits sociaux, enfin de relations sociales, et forcément, donc il y a eu des espèces de petits mouvements dans le cerveau des saumons morts, et ils ont fait une étude donc qui a été approuvée, qui était très sérieuse, voilà, avec tout un tas de trucs, et qui montrait que les saumons morts étaient sensibles aux attitudes sociales humaines. Voilà. Magnifique. C'est extraordinaire ce qui se passe. En tout cas, voilà, nous ici, nous sommes plusieurs milliers à... nous sommes plein de gros poissons. Voilà, nous sommes plein de gros poissons et nous avons tous un trouble de l'opposition. Mais par contre, nous n'allons pas nous identifier à ce trouble-là de l'opposition. Simplement pour dire que voilà, la commission Psy-Soins Accueil, il y a un blog sur lequel on répertorie plein d'informations. C'est il faut taper dans n'importe quel moteur de recherche Psy-Soins Accueil. On peut mettre debout pour aider un petit peu le moteur de recherche. Et on arrive sur le blog, on répertorie tous les hôpitaux en lutte, les prochains rendez-vous pour les commissions. On fait un stand aussi, on est là pour parler avec les gens. Et puis on est aussi en lien avec Hôpitaux Debout, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. Et puis Utopsie, ce site c'est utopsie.fr. Merci Mathieu, merci Clément d'être venu parler ici à Radio Debout. On va faire un tour à l'Assemblée Générale, l'écouter un petit peu, et puis après, on aura un plateau autour de la question des intermittents du spectacle. Mais en fait, j'ai envie de me dire qu'aujourd'hui, les partis, il y a plein de gens qui n'ont plus de partis. On veut plus de partis, que ce soit de droite, gauche, droite, milieu, on s'en fout. On n'en veut plus de ça. Et aujourd'hui, on a envie que ce soit le peuple aujourd'hui qui reprenne un petit peu ses droits. Et aujourd'hui, on a envie que ce soit aujourd'hui par rapport à Nuit Debout, justement, que ce soit au niveau dans 10 mois, et même avant 10 mois, que toutes les commissions, on va dire, qui ont été créées aujourd'hui ici, on parle de 6e constitution, qu'on a envie d'en écrire une 6e, ça serait bien. Ça serait magnifique, tous ensemble, d'en écrire une 6e. Et justement, de se dire, justement, si on peut écrire une nouvelle page de l'histoire en se disant, chaque personne va pallier, on va dire, au niveau de ses partis, en disant, en montrant à tous les Français de se dire, il y a un nouveau pôle, on va dire, moi j'appelle ça un pôle, après, chacun voit le mot qu'il a envie de donner, mais qu'on puisse barrer, faire le barrage à toutes ces personnes-là, que ce soit le FN, la droite, la gauche, et le voilà, n'importe qui. Que voilà, les gens puissent s'identifier à un vrai pôle. Un pôle, on va dire, qui les représente réellement. C'est-à-dire un pôle, on va dire, qui va les représenter comme quelqu'un qui, par exemple, un pôle agriculture, ça veut dire quelqu'un qui a travaillé dans ce milieu-là. Et quelqu'un, voilà, qui a travaillé dans la santé, quelqu'un qui a travaillé dans l'éducation, voilà, tout simplement. Qu'on essaye d'avoir tous ces pôles aujourd'hui, qu'on essaye d'avoir toutes les commissions et qu'on puisse réussir à créer quelque chose et qu'on puisse faire barrage dans 10 mois, même avant 10 mois, à toutes ces personnes qui aujourd'hui ont déjà commencé à faire leur propagande à la con. Donc voilà, je vous remercie de tout ça et essayez de dire penser et que, voilà, on puisse aujourd'hui, que ce soit toutes les personnes que je vois devant moi, que ce soit des gens lambda qui puissent aujourd'hui, que ce soit nous qui soient assis dans les fauteuils de l'Assemblée, qu'on ne soit pas en haut, mais qu'on soit en bas. Merci. Merci. Donc la commission construction revient. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, on essaie de se retrouver d'abord dans la rue. Quand on va dans la rue, les flics nous accusent d'être des casseurs pour nous diviser. Alors ce soir, on a essayé de construire quelque chose pour pouvoir se retrouver. C'est l'espèce de château commun qui est là-bas, qui est assez grand pour parler à assez nombreux. Et ce château qu'on a construit, la préfecture annonce qu'elle va le détruire à la tronçonneuse et à la masse ce soir à minuit. Donc, d'une part, on peut se demander qui sont les casseurs. D'autre part, en fait, tout simplement, c'est évident que c'est pas possible dans cet AG de se retrouver pour discuter. C'est impossible de répondre à qui que ce soit, c'est impossible de faire entendre. Je sais pas comment dire, c'est impossible de construire une conversation. Donc, parallèlement à l'AG, on essaye d'organiser un espace de discussion qui est donc ce château commun construit par la commission construction, où on puisse avoir de vrais débats. Donc on vous invite tous à passer après l'AG, ou même maintenant, voir la construction, filer un coup de main, etc. Mais surtout à venir la défendre. Parce qu'en fait, la Nuit Debout, c'est un peu comme Cendrillon, en fait. À chaque fois, à minuit, l'espèce de place se transforme en citrouille, où il n'y a plus personne et où les flics peuvent ratisser tranquillement et arrêter les quelques personnes qui restent, démonter toutes les structures, et en fait c'est ça dont rêve la préfecture. Si on veut que la Nuit Debout devienne quelque chose qui soit de nature révolutionnaire, il faudra un moment passer outre ce dont rêve la préfecture. Donc ce soir, je vous invite juste à rester nombreux autour de la construction pour la défendre, pour... par ailleurs, on a besoin d'aide. On a besoin de clous, on a besoin de rallonges électriques, on a besoin de 40 mètres de rallonges, on a besoin d'adaptateurs P8 pour ceux qui savent, et surtout on a besoin de bras, parce qu'il y a énormément de matos qui est à Jacques Bonsergent, il suffit d'aller le chercher, mais là on n'est pas assez nombreux pour tout porter. Du coup, ceux qui sont motivés, on vous invite à venir à la construction pour partir à Jacques Bonsergent maintenant, c'est-à-dire genre 500 mètres par là, pour ramener le matos de construction. Détruisons là où ils veulent construire, construisons là où ils veulent détruire, et juste arrêtons de nous laisser faire, arrêtons de nous laisser bolosser, arrêtons de les laisser vider la place tous les jours à minuit. Ce soir, il y a déjà des gens qui vont essayer de rester, qui vont essayer de tenir la vraie Nuit Debout, pas la minuit debout qui s'arrête à 00h00 quand la préfecture sonne le rappel des troupes. Voilà. Donc, rendez-vous à la construction, au château qui est juste là. Partons à Jacques Bonsergent, construisons, restons, défendons, retrouvons-nous enfin. La convergence des luttes, tout le monde l'appelle de ses voeux, mais ça commence par des gestes simples. construire ensemble un abri, se rassembler autour d'un feu, avoir une discussion où on peut répondre à quelqu'un et pas juste faire ça à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose. Juste, voilà, faisons-le, il n'y a vraiment pas grand-chose entre nous et la réussite. Voilà. Il n'y a pas grand-chose entre nous et la réussite. Effectivement, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Debout. Et j'en profite pour lancer un appel au son pour la journée du 1er mai, car nous serons en direct de midi à minuit, ici, de la place de la République, de, pardon, 14h, non, midi, minuit. Ah, alors là, tout le monde n'est pas d'accord au sein de la radio. Il y aura une AG, on va faire une AG. Quoi qu'il en soit, il y a besoin de son pour cette longue journée de Radio Debout. Donc un mail, radiodebout@gmail.com. Voilà, et on retourne au plateau de Radio Debout. Oui, bonsoir, bonsoir. Alors j'ai le plaisir de recevoir ce soir Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle, Hélène Crousilla, qui appartient au collectif des Matères Luttantes, et Joachim Salinger, comédien, metteur en scène, membre du SFA. Et pour faire un point ce soir sur l'accord qui a été signé cette nuit et qui concerne les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. Alors, ça a fait les gros titres de la presse ce matin. Je crois que l'accord a été signé à 1h du matin. Vous êtes tombé d'accord. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. D'abord, qui est tombé d'accord et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va poser des questions très concrètes ensuite, mais peut-être que vous pouvez d'abord nous répondre là-dessus. Qui est tombé d'accord? Déjà, ça concerne le régime d'assurance chômage, les intermittents du spectacle, les artistes et techniciens intermittents. D'ailleurs, il y a aussi des permanents au spectacle, mais c'est les fameux intermittents du spectacle qui défraient la chronique régulièrement. Il se trouve que on a, suite aux luttes de 2014, il y a un autre processus de négociation à chaque fois qu'il y a une négociation de la convention d'assurance chômage. Et là, on a la possibilité de négocier dans le champ du spectacle, avec nos employeurs du spectacle et les fédérations concernées. Et on a mis plusieurs semaines à se mettre d'accord, mais on a réussi à trouver un accord qui reprend la plupart de nos revendications communes, CGT Spectacle, coordination, ce qu'on a appelé comité de suivi, notamment le fait qu'il faille maintenant 507 heures sur 12 mois et non pas sur 10 mois et 10 mois et demi, auparavant, enfin jusqu'à présent. Donc ça, c'est la principale mesure. Et plusieurs, ça, c'est un retour au système d'avant 2003, ça. Sur ce point-là, c'est un retour au système d'avant 2003. Donc ça fait 13 ans qu'on réclamait le retour à une date d'examen annuelle. Voilà. Donc bon, y a plein d'autres éléments, mais voilà, il y a les heures d'enseignement qui sont prises en compte, qui sont mieux prises en compte, des enseignements donnés, une neutralisation de l'effet du congé maternité, mais je laisserai Hélène en parler. Il y a plusieurs mesures pour l'accès des droits, faciliter le maintien des droits jusqu'à la retraite. Bon, voilà, plusieurs dispositifs de ce genre-là. Et on estime que cet accord est équilibré. Donc on l'a signé pour la CGT. Il est signé assez largement par plusieurs syndicats du secteur et la FESAC, qui est le syndicat patronal. La négociation a été loyale, même si elle a été dure. Mais maintenant, il ne faut surtout pas qu'on se démobilise. Alors on ne crie pas victoire. Vous restez très mobilisés. D'ailleurs, on a vu aujourd'hui, il y a la mobilisation ne faiblit pas, les théâtres sont occupés, les spectacles ne jouent pas ce soir. Il y a beaucoup de spectacles qui ne jouent pas. On est parti. Je ne sais pas si on est encore parti à Lille, mais à Lille et à Lyon, au Théâtre des Célestins, les théâtres sont occupés. L'Odéon vient d'être évacué. La Comédie Française n'est plus occupée, mais il y a des actions qui continuent en fait. Donc ça veut dire que on est toujours mobilisés. D'une part, il y avait un appel à la grève aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, illimité dans le cadre de la lutte pour le retrait de la loi travail. Donc c'est pour ça aussi que certains tournages étaient en grève, des lieux étaient en grève. Il y a les salariés qui ont voté la grève aujourd'hui et puis la discussion que se poursuit. Et sur ce dossier assurance chômage, surtout, l'accord qui a été signé, ça ne veut pas encore dire qu'il va rentrer en vigueur. C'est un peu subtil, mais... Alors, il est signé, mais il n'est pas activé. Il y a une toute petite étape supplémentaire, toute petite. C'est qu'il est signé par les employeurs et les salariés du secteur et que derrière, il va falloir qu'il passe sous les fourches codines de ceux qui négocient au niveau du régime général d'assurance chômage, c'est-à-dire le MEDEF et quelques autres qui nous aiment beaucoup depuis des années. Et que donc cet accord va devoir... la loi prévoit depuis 2015 que s'ils respectent leur lettre de cadrage, il est repris intégralement. Mais l'accord ne respecte pas du tout la lettre de cadrage. Alors pour rappel, la lettre de cadrage du MEDEF, c'est une lettre qui demande aux annexes 8 et 10 de faire des économies de 185 millions d'euros, je crois, si je me souviens bien. Donc des économies par an qui sont donc demandées aux plus précaires, finalement. Au plus précaire, je ne sais pas si les intermittents sont les plus précaires. Il y a aussi des intérimaires. Non, mais on demande aussi beaucoup d'économies aux chômeurs en général. On demande, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Parce qu'il n'y a pas que les annexes 8 et 10 qui sont concernées. On parle de l'assurance chômage en général. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, à la fois, c'était une journée de mobilisation sur la loi de travail, mais c'était la journée où ce matin, on signe un accord sur l'assurance chômage des intermittents. Et l'après-midi, on retourne en négociation sur le régime interpro. J'ai fait partie de la délégation CGT. Et où on a un MEDEF qui dit aucune augmentation, aucune recette, c'est impossible. On ne mettra pas un euro. Au contraire, il faut faire baisser le coût de l'assurance chômage et il faut le faire baisser uniquement en baisse de droits de façon super violente pour 2 milliards d'euros sur le dos des chômeurs en général et au passage, évidemment, en incluant les intermittents. Donc il y a une casse de la protection sociale qui est en train de se mettre en place et il faut arriver à faire le lien entre la casse de l'assurance chômage en général, la résistance qu'on mène pour les intermittents du spectacle mais qui ne doit pas rester seulement dans notre métier et évidemment la loi travail. Oui, parce que le mot d'ordre de la CIP, donc qui n'est pas la CGT, bien sûr, là, mais la coordination des intermittents est précaire, le mot est important, c'est que ce qu'ils défendent, ils le défendent pour tous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette solidarité? Alors, on va peut-être parler un petit peu des matières luttantes, et donc de ce qui a changé pour les femmes, enfin, dans l'accord qui a été signé cette nuit. Alors, Hélène, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet accord? Alors, il faut déjà comprendre que la situation des salariés intermittentes, c'est donc d'alterner des périodes de chômage et de travail. Et lors d'un congé maternité, qui parfois n'est pas indemnisé par la sécurité sociale, elles perdent tout droit, en fait, à un revenu quelconque. Donc il y a une question de rupture de droit qui se joue à cet endroit du congé maternité. Et par ailleurs, quand le congé maternité est indemnisé par la sécurité sociale, l'assurance, quand elles reviennent ensuite dans le régime d'indemnisation chômage auquel elles appartiennent, elles voyaient leur niveau d'indemnisation baisser à l'issue d'un congé maternité. Et donc, l'accord qui a été signé aujourd'hui, par un système de barème lié à il y a un coefficient qui annule l'effet minorant du congé maternité. C'est-à-dire que, voilà, en gros, on calcule les droits de façon à ce qu'il y ait exactement la même chose que si les femmes qui reviennent de congé maternité avaient eu des droits ouverts uniquement avec des périodes de travail. Si bien que donc ces femmes ne perdent aujourd'hui... Elles sont plus pénalisées parce qu'elles ont eu un enfant. Voilà, exactement. Donc ça, c'est extraordinaire puisque, de fait, ça fait, nous, ça fait 6 ans qu'on existe et que chaque mois, on accompagne des femmes en rupture de droit ou avec des baisses d'allocation, voilà. Au moment où on en a le plus besoin. Exactement. Voilà. Donc ça c'est une. C'est une grande victoire. Il y a une autre victoire, mais Denis, peut-être que tu peux en parler aussi sur les longues maladies. Oui. Alors, parce que la revendication qui porte sur les arrêts maternité, elle a été c'est un important. Et d'ailleurs, elle s'est faite en deux temps. On peut rappeler qu'on avait déjà gagné une modification de l'accès à la Sécu au 1er février 2015, pas seulement pour les intermittentes du spectacle, mais aussi pour toutes les travailleuses à caractère discontinu, qui permettait d'avoir un meilleur accès, un moindre nombre d'heures pour accéder aux indemnités Sécu. Ça avait été annoncé par Valls dans la foulée de la mission intermittence, et ça s'était mis en place au 1er février. Bon, ça c'était un premier aspect du problème. Deuxième aspect, donc, une meilleure prise en compte, pas de pénalisation pour congé maternité. Et il y a une autre revendication qu'on a en commun depuis des années, c'est de dire les arrêts maladie. Donc là, ça concerne aussi bien hommes que femmes, de dire un arrêt maladie quand on est travailleur discontinu, ça ne doit pas être un trou de carrière. Donc un arrêt maladie, ça doit être assimilé comme le sont les congés maternité. Ce qu'on avait réussi à gagner, ça avait été enlevé en 2003, mais il y avait eu une bataille pour le remettre. C'est à peu près la seule chose qu'on avait réussi à gagner en 2003-2004 d'ailleurs. De faire en sorte que les périodes d'arrêt maladie soient assimilées à du temps de travail pour l'ouverture des droits. Et ça, alors on a un petit orteil dans la porte. On a réussi à obtenir que les affections de longue durée, c'est-à-dire les maladies graves, cancer, sida, onco, les arrêts pour liés à ça, soient pris en compte au même titre que les congés maternité comme une période de travail assimilée. Et oui, non, je voulais juste rajouter le fait que bon, les femmes qui alternent des périodes de chômage et de travail ne sont pas pratique intermittente et qu'actuellement il y a énormément de personnes qui travaillent et de femmes qui travaillent en contrat court et que pour le coup la convention d'assurance chômage du régime général ne pose absolument pas la question de la continuité de droit entre la sécurité sociale et l'accès aux droits maternité maladie et la question de l'assurance chômage. Voilà. Et donc c'est la lutte continue donc, aussi donc, pour l'ensemble des femmes qui travaillent en contrat court. Voilà. Oui, parce que les contrats courts se multiplient. Le contrat à durée indéterminée n'est plus le modèle du travail. On n'est pas sur une idée de plein emploi. On faut adapter le monde du travail au travail aux formes de travail qui sont proposées aujourd'hui quand même. En fait, on se rend compte aujourd'hui que le travail discontinu est quand même en train de devenir la majorité des contrats de travail signés. Non, c'est pas la majorité des contrats de travail signés. Non. La majorité des contrats de travail signés, ça reste 85% de CDI. Mais par contre, ce qui est vrai, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que il y a beaucoup de gens qui restent dans la précarité et ça, les droits ne sont pas adaptés à ceux qui ne sont pas en CDI. C'est ça la question. Il y a encore une majorité de CDI, mais ceux qui sont en CDD, eux, ben, on leur calcule leurs droits de façon proportionnelle. Sauf que c'est pas comme ça qu'on doit compter. On doit compter de façon à ce que tout le monde ait un revenu de remplacement quand il se retrouve au chômage, qu'il se retrouve pas sans droit, quoi. Comme quand on a, enfin, des congés maternité non indemnisés, des congés maladie non indemnisés. C'est ça la question qu'il faut arriver à poser. Et puis, d'une certaine manière, enfin, moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression de vivre aujourd'hui, enfin, entre dans les jours, quelque chose de presque historique. En tout cas, à mon échelle, on verra si l'histoire va continuer à s'écrire dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Parce qu'évidemment, l'accord tel qu'il a été conclu hier soir n'est pas encore applicable. Mais il y a quelque chose qui change radicalement la donne par rapport à ce qui s'est passé en 2003. Et moi, en 2003, l'accord s'est signé, l'accord qui a, d'une certaine manière, déclenché... une énorme mobilisation dans le métier, dans les métiers artistiques et dans les métiers techniques, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le spectacle vivant. Ça a débuté en juin 2003 par une réforme des annexes 8 et 10 qui ont radicalement changé le mode de calcul et radicalement changé la manière dont les choses fonctionnaient. Ben, moi, en juin 2003, je finissais l'école. J'étais dans une école de théâtre, une grande école de théâtre, et d'une certaine manière, le premier acte de ma vie professionnelle, ça a été, à la fin de mes présentations de travaux, d'aller à une AG, où on m'a appris que, d'une certaine manière, ça allait être le bordel. Mais un bordel qu'on n'avait peut-être pas encore compris, puisque l'accord qui détruisait un système qui existait depuis un certain nombre d'années venait de se conclure. Moi, je vis depuis donc, le début de ma vie professionnelle, juin 2003, la discontinuité de l'emploi. Est-ce que je l'ai choisi ? Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment choisi ça. Elle s'impose à moi parce que effectivement, les contrats les plus longs qu'on m'a proposés étaient de 3, 4 ou 5 mois. Mais c'est rarissime. En 13 ans d'existence, j'ai eu un contrat qui a duré 6 mois. Sinon, c'est des contrats plutôt en théâtre de 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, il se trouve que je fais pas mal de doublage, pas mal de radio. C'est des contrats très, très courts. C'est des contrats de travail de 3 jours, 2 jours, une journée au maximum. Donc, cette discontinuité de l'emploi, elle est, en tout cas de mon point de vue et de ma pratique, si tu veux, vraiment quelque chose presque de subi. Bon, voilà. Et en même temps, une donnée de base avec laquelle il faut bien vivre, à laquelle il faut bien s'adapter. Évidemment... Pour pouvoir imaginer continuer dans un métier, quel qu'il soit artistique ou qu'il soit technique, face à une telle discontinuité, face à une telle forme de précarité finalement, qui n'est pas toujours la précarité du salaire, parce qu'on a la chance d'avoir des métiers où, quand on travaille, on est souvent payé correctement. Bon, je ne vais pas dire forcément très bien, mais payé correctement. Quand on a la chance de travailler. Mais on ne choisit pas toujours quand on travaille. Non, on ne choisit pas. Voilà. Et c'est important, du coup, d'avoir une assurance chômage qui est une forme de revenu de remplacement. Ce n'est pas un revenu de complément. Il ne s'agit pas de compenser le fait qu'on nous paierait mal, mais de compenser les périodes où on ne travaille pas. Et ça, c'est très important. Moi, je connais depuis donc 2003 un système qui est totalement insécurisant. C'est le système des 243 jours qui se décale selon l'activité, qui fait qu'on n'a pas de vision claire sur une année civile ou sur une saison, qu'on est toujours tous les mois ou tous les deux mois à recalculer. Et ça, c'est une forme d'insécurité qui, au quotidien, est assez terrible. Le problème qui se passe avec les femmes enceintes, artistes ou techniciennes, ils se retrouvent à un autre niveau qui est quand on tombe malade, alors ça, que l'on soit homme ou femme, parce que y a toujours une espèce d'incertitude pour savoir si, si on est déclaré en arrêt de travail, on touchera ou non les indemnités journalières. C'est-à-dire que c'est pas certain qu'on ait le droit de tomber malade. Il y a là-dessus un irrationnel terrible. C'est quelque chose de très très particulier. Bah, d'ailleurs, quand on est malade, on va souvent travailler. Hein. Bah, oui, c'est du coup des métiers et des professions dans lesquels, d'une certaine manière, on se dit qu'on n'a pas le droit de tomber malade. Ouais. Pour plein de raisons. Parce qu'on a des contrats courts, parce qu'il ne faut pas se montrer faible. Et toutes ces données-là. Il faut être là. Il faut être là, il faut être présent. Je t'interromps une seconde. Il y a une manif qui s'est lancée là en ce moment autour de la place. Et on va vous envoyer un petit PAD d'un reportage qu'on a tourné aujourd'hui, cet après-midi, dans la manifestation, sur les gaz lacrymogènes, parce qu'il y a eu beaucoup de gaz lacrymogènes qui ont été répandus cet après-midi. Il y a eu beaucoup de violence. Et voilà, le PAD, à toi. On est au bout du boulevard de l'hôpital. Il est 16h30. Le cortège est complètement bloqué par les forces de l'ordre. Il y a eu des jets de gaz lacrymogènes assez soutenus, hein. Et là, le cortège n'avance pas, c'est bloqué. Le parc à proximité est fermé. Donc évidemment, on est dans une espèce d'impasse. Je pense que c'est une espèce de provocation. Ah, ça y est, le cortège redémarre. Le cortège a redémarré, là on vient de passer le carrefour du boulevard de l'hôpital, on passe sur le pont d'Austerlitz. Et sur le sol, il y avait des dizaines et des dizaines de cadavres de bombes lacrymogènes, j'en vois encore au sol là. Et notamment aussi un espace creux au milieu du boulevard avec clairement des pavés qui avaient été. Des pavés qui avaient été arrachés du sol, et probablement balancés sur les CRS. Et là, on passe le pont de Sterlitz. On finit de passer le pont, là au fond du cortège, là tout au bout, là on voit encore des nuées de gaz lacrymogène. C'est assez hallucinant. Un hélicoptère qui surveille tout ça. J'imagine qu'on va être à nouveau bloqué à la sortie du pont. Il n'y a pas de monde dans les manifestants. Bonsoir, nous sommes toujours sur le plateau de Radio Debout avec Denis Gravouille, Hélène Croisilla et Joachim Salinger. Et nous parlons des accords qui ont été signés cette nuit, donc des accords qui concernent les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage et de ce qui va se passer dans les jours prochains. Donc qu'est-ce qui va se passer, Denis ? Très important de dire que, attention, c'est peut-être un moment historique, mais on n'a pas encore tout gagné. Il n'y a pas d'exultation, il n'y a pas de triomphalisme. Non, il faut surtout pas se garder de ça et surtout rester bien mobilisé, parce que voilà, le processus, c'est que nous avons un accord, nous avons le droit de négocier notre accord dans le champ des employeurs et salariés intermittents du spectacle, et puis ensuite cet accord, il ne devient pas automatiquement valable. Il est transmis, il est validé par un comité d'experts qui vont vérifier qu'on connaît bien, qui vont travailler sur son chiffrage, savoir combien ça coûte. Oui, alors on a quand même, il y a quand même beaucoup d'économies qui ont été proposées. Hein. Il y a un plafonnement strict du cumul des indemnisations des salaires. Il y a la fin du cumul des congés payés et de l'indemnisation qui va aussi réduire. Là, il y a une économie qui est chiffrée à peu près à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et une augmentation des contributions des employeurs de un point des cotisations, c'est ça ? Un point, oui. Voilà, donc il y a des économies qui font partie de cet accord, bien sûr. Oui, il est clairement, il y a eu un... Il faut voir aussi que ça ouvre énormément de nouveaux droits. C'est-à-dire... Attends, laisse-moi finir. Ouais. Juste, sur la question des économies, après il faut revenir au calendrier. Sur la question des économies, oui, il y a une part d'effort qui a été fait. On était prêt à faire autour de 40 millions. C'est à quoi de baisse de droits globale. Mais voilà, on y est arrivé parce qu'on savait un peu où prendre sur les plus hautes allocations à travers différentes choses comme les plafonds ENCO. Et puis il y a un petit effort qui est demandé à tout le monde. C'est par exemple une carence liée au congé payé. Tu as travaillé. T'as 43 cachets, ça te fait 4 jours de différé pendant lesquels t'es pas payé par l'assurance chômage parce que t'es payé par les congés payés. D'accord. Bon, sans rentrer dans le détail, c'est ce genre d'éléments, il faut regarder dans le détail du truc. Maintenant, je voudrais juste revenir sur le calendrier parce que c'est très important. Les décryptages, ça va être difficile de le faire en longueur. Et sur le calendrier, c'est très important de dire que cet accord, pour l'instant, c'est pas fini. L'accord, il va être donc chiffré, expertisé, et puis ensuite, il va revenir entre les mains de ceux qui négocient l'ensemble du régime assurance chômage, incluant le régime général et les différentes annexes. Et évidemment, comme il ne va pas du tout être dans la lettre de cadrage, il va falloir faire en sorte qu'on l'impose, ce texte, qu'on continue à se battre pour dire soit aux signataires de la Convention assurance chômage, soit au gouvernement qui a le dernier mot, c'est ce texte-là qui s'applique. Et sans en changer une virgule, en prenant juste les économies, puis pas les nouveaux droits, par exemple. Donc il faut rester très mobilisé et il faut continuer à maintenir la pression pour que cet accord soit signé. Et surtout, l'assurance chômage... En général. J'allais y venir. Il se trouve que, encore une fois, les intermittents, c'est juste des annexes du régime général. Cet après-midi, il y avait une négociation du régime général. Cet après-midi, en pleine manif, il y avait une négociation du régime général qui concerne tout le monde, au-delà des intermittents. Et cette négociation, elle se passe très mal. Elle se passe très très mal parce que autant notre négociation avec nos employeurs était dure, mais elle était loyale, autant avec le MEDEF ENCO, le MEDEF est arrivé en disant il faut faire 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs. Il n'est pas question une seule seconde que ce soit des recettes nouvelles, des cotisations supplémentaires. Et donc, il va y avoir une négociation très dure sur l'ensemble de l'assurance chômage qui risque même de faire en sorte qu'il n'y ait pas de convention d'assurance chômage, auquel cas c'est l'État qui reprend la main. Dans tous les cas, il faut que dans l'accord final, non seulement on n'ait pas massacré les droits des chômeurs, mais en plus on ait permis à ce que cet accord qui améliore les droits des intermittents soit pris en compte. Merci beaucoup. Alors écoutez, on vient de me dire que la place était en train d'être évacuée et que les CRS étaient en train de se positionner tout autour de la place. Donc je ne sais pas si on va pouvoir continuer l'antenne. Peut-être qu'on va lancer un PAD pour voir un peu ce dont il s'agit pour tout autour et puis on revient ou bien on vous dit bonsoir. De toute façon, on vous parlera. À tout de suite. Matraque. Thank you. Il faut rien regretter de ce qu'on fait. Et merci d'être là. Je suis avec vous. Merci. Vous écoutez Radio Debout, alors c'est un peu, le chaos là autour de nous. On ne sait pas très bien quoi faire, s'il faut qu'on remballe ou pas. Il s'avère que à côté de nous, TV Debout sont encore là. Mais c'est vrai que tout autour, les organisateurs, enfin la commission Accueil et Sérénité nous invite vraiment à quitter les lieux en nous disant bon voilà, c'est très tendu. Nous on ne sait pas, pour l'instant on est là. Mais c'est vrai que. Disons que les CRS sont très proches, cette commission nous met la pression. Il s'avère que la place est en train d'effectivement d'être évacuée, les gens, l'AG en tout cas est terminée, les gens sont en train de se déplacer. On va encore rester là un petit peu, hein. On va rester là avec les camarades de lundi matin. Lundi matin qui sont arrivés. Voilà, lundi matin, vous savez, c'est ce journal en ligne, c'est tous les lundis, et c'est chaque matin. Clément. Donc Steven et Fabien, voilà, qui font le plaisir là d'être Fabien, de lundi matin, mais on va filer un micro. Parce que vous avez donné un micro et, à l'un et des écouteurs à l'autre, et donc on va plus en sortir. Donc, il y a un bruit. Oui, non, mais ça va aller. Lundi matin, on a retrouvé donc qui publie des textes depuis le début de Nuit Debout, des textes d'analyse, un petit peu sur Nuit Debout. Depuis bien avant Nuit Debout. Depuis bien avant Nuit Debout, mais il y a eu un an et demi. Bien sûr, mais il y a eu plusieurs textes, notamment sur Nuit Debout depuis le début de Nuit Debout, et notamment un texte qui a été publié la semaine dernière de la commission construction qui a investi la place particulièrement aussi. De nouveau aujourd'hui, oui. Avec cette idée-là de l'importance d'occuper la place bien plus que ce qui a été fait auparavant. Pourquoi, voilà, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce texte-là ? Ça s'appelle Construire la Hacienda et quelle importance ça a pour vous ? Alors disons que en battant un petit peu le pavé pour lundi matin pour essayer d'un petit peu comprendre l'ambiance et pouvoir la rapporter, on a entendu souvent ce slogan détruire, rajeunir, construire, affermir son corollaire qui était on casse mais on répare. Et donc ça nous paraissait assez intéressant de mettre en avant cette espèce d'idée que quand bien même Nuit Debout avait une part en elle de nihilisme, c'est-à-dire de rejet diffus et général de l'ordre existant, en même temps, tout le monde sentait bien que ce n'était pas suffisant et qu'il y avait la nécessité aussi d'être capable de construire, ne serait-ce que pour être plus fort. Et voilà. Et donc c'est ce qu'on a perçu dans les manifestations. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Oui, Fabien. Non, mais si on construit rien, on n'a rien à défendre. Et du coup, on a l'impression quand même que depuis le début à Nuit Debout, il y a plein de discussions, il y a une ébullition folle et tout ça. Mais en termes de propositions politiques, c'est difficile. Quoi. Donc c'est ça, il y a une envie en fait de construire au lieu de parler, mais vraiment de passer à l'action et d'occuper cette proposition place. Quoi. C'est quoi la proposition ? La proposition la plus élémentaire, c'est on occupe réellement quoi, avec des constructions en dur et on les défend. Donc qu'est-ce qu'on a pu voir tout à l'heure ? J'ai pu voir à côté d'un espèce de château de palette qui s'est construit. Ça, c'était pas arrivé depuis plusieurs semaines ici, en fait, qu'il y ait une aussi grosse construction qui se passe sur la place. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce que vous avez vu tout à l'heure ? Voilà, donc il y a eu un appel qui a beaucoup tourné partout, qui donc appelait les gens à venir avec, ça s'appelait ramène ta planche, les gens à venir avec leur matériel, leur planche, leur palette. Et donc là, il y a une grosse équipe qui s'est constituée. Et donc les gens sont en train de construire. Alors je ne saurais pas comment on pourrait le qualifier, une espèce d'énorme. Un bâtiment, c'est un peu en palette, donc je ne sais pas si on peut dire un bâtiment, mais un endroit en dur au milieu de la place afin que les gens puissent aller y débattre et on l'imagine à un certain point le défendre. Et avec notamment une banderole qui s'appelle où il y a écrit on occupe mieux que ça et ramène ta palette qui vient d'être aussi posée sur la statue de la République. Ouais, il y a eu ça aussi. Ouais. Ouais, ça c'est l'idée, c'est qu'en fait c'est pas parce que on est un peu désœuvré et qu'on se retrouve sur la place et qu'on sait pas toujours quoi se dire qu'il faut vivre dans une précarité. Voilà, on la connaît trop la précarité. Et donc nous, en fait, à un certain point, on hésitait à rappeler notre commission construction commission luxe parce qu'il faut un peu de confort et un peu de luxe. On entend que ça pète un petit peu plus loin, donc on va sûrement plier la radio pour le matériel. Bon, bah alors, s'il y a des gens qui écoutent la radio, il faut évidemment aller vers là où ça explose. Et non, mais c'est pas grand chose. Je crois que c'était boulevard, boulevard Voltaire. Mais on peut peut-être. Bon. Bon, on va ranger. On va ranger. Bon, mais... bah, au revoir, Nuit Debout. On était vraiment contents d'être avec vous et on vous voit dans la rue. A bientôt, merci, lundi matin. Ah, on va reprendre notre téléphone. C'est bien, c'est une palette qui est pas mal. Ok, bon. Restez avec nous, on va reprendre nos téléphones. Surtout ne bougez pas de votre poste, vous êtes en sécurité sur Radio Debout. Par contre, tu peux pas brancher de casque, donc ce sera que du comme ça. Que du comme ça. Plus rien à l'antenne. Bon, ben, tu vas continuer au téléphone ou quoi? Ouais. Alors là, on est en train de ranger le matos. Donc, on continue à émettre. Radio Debout est toujours Radio Debout, toujours sur la place. Voilà, et du coup, bon, ça prend un peu de temps, mais on a toujours des choses à dire. On a le PLMP, 7C, On était peut-être un peu trop frileux, on aurait pu continuer un peu le plateau, c'est là. C'est clair, quoi, ouais. Carrément. Quoi. Bonjour, ouais, mais TV Debout est en train de plier aussi. Il faut dire qu'en fait, il y a une putain de commission qui s'appelle commission accueil et sérénité. Qui est pas du tout sérénisante. Qui est pas du tout sérénisante, qui est venue nous voir à plusieurs reprises. Quatre fois pour nous dire, bon les enfants, nous on évacue casse. La place, on se casse, démerdez-vous. C'est vrai que la place est bien évacuée. Et donc on a grosso modo les organisateurs de Nuit Debout qui, au premier arrivé des CRS, appellent à la dispersion, quoi. Voilà, les organisateurs de Nuit Debout appellent à la dispersion. Non mais il faut rester dans le cadre de la loi quand même. Ouais, quand même. Il faut rester dans le cadre de la loi. Absolument. C'est ce que nous ont appris nos grands-mères et nos grands-pères. Le respect de la loi. Ceci dit, c'est vrai que... Arrêtez de faire chier le monde. C'est vrai qu'autour de la place, hein, c'est un peu chaud. Moi, je passe un petit appel à Véronique Jeannot, qu'on n'a pas trop fait chier ce soir. Véronique, si tu nous entends, on est avec toi. Tu parles, explique un peu ce qu'on a comme matériel. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on a comme matériel? Ouais, alors déjà, il y a une paire de lunettes qui m'appartiennent. Une paire de lunettes orange. Devant nous, alors on a... Des sacs Monoprix, hein, remplis de matos avec, on va dire, après, voilà, 60, les CRS rentrent sur la place. Mais bon, je vous explique quand même. Alors, je vais essayer de vous donner un petit peu des informations sur ce qui se passe ici. Autour de nous, la place est en train d'être évacuée, mais bon, il y a quand même beaucoup de monde qui se balade, hein, autour. Et alors, on me dit que les CRS rentrent sur la place. Par où ils rentrent? Voyons voir. Alors, moi, je ne vois pas grand-chose pour le moment, je veux bien vous avouer. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde dirigé vers la rue du Faubourg du Temple, avec de la musique. Mais les CRS, je ne les vois toujours pas. Voilà. Les CRS, ils sont où, les CRS, là? Ils avancent, les Robocop, regarde. Les Robocop avancent, ah oui, oui. Bon, alors, et c'est quoi comme, cette rue-là, ça s'appelle comment la rue? Je sais pas. La rue, je sais pas. Voilà, il y a la rue Voltaire. La rue, je sais pas, ça gaze. Et la rue, voilà, donc sa rue, voilà, il y a des, ça gaze des deux côtés de la, place. Les militants voient des films des chips, là. Ouais, aussi, et les militants, donc, continuent à faire la fête. En tout cas, il y a une grosse foule qui est rassemblée. Avec une espèce de batucada. T'es beau avec. C'est vrai que je suis beau avec mes lunettes. Voilà. Donc on est toujours sur Radio Debout. Radio Debout est encore dans la place. Le matériel est bientôt plié. Eh les gars, vous avez remballé en moins de 5 minutes. Hein. Il va falloir un petit peu penser à faire ça tous les soirs. Hein. La télé, pareil. Hein. Bon, allez, on va rendre l'antenne. On va vous faire écouter un petit peu de musique sur la fin de l'antenne. Puisque là-bas, il y a de la musique qui joue. Et comme à son habitude, Radio Debout ne ferme que sur de la musique. Donc, on va vous mettre cette ambiance de musique qui se trouve au coin de la rue du Faubourg du Temple. Une espèce de techno orchestral. Et beaucoup de gens qui dansent.